Bon Nouveau. Hey! Salut tout le monde et bienvenue à ce 38e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien les gars? Ça va super bien. Yes! Fait que là... Où c'est qu'on est? Où c'est qu'on est? Batèche! Qu'est-ce qui se passe-t-il? On est dans un nouveau local parce qu'en fait, Dom brasse des grosses affaires. Oui, exact. Il est pas avec nous autres ce soir. Il est en train de concocter... son nouveau projet qui est Arcade Montréal. Mets du caulking. Bord de la toilette. Ben du caulking, ben de la peinture. Puis c'est ça en fait, Arcade Montréal ouvre sous peu, dans vraiment, vraiment pas longtemps. Fait que là, c'est les derniers préparatifs pour la grande mascarade. Mm-hmm. Puis c'est ça, fait que Dom sera pas avec nous aujourd'hui. Il va peut-être être avec nous autres au prochain épisode, mais en tout cas, on lui laisse le temps de bien organiser ses affaires. Ouais. Mais on a un nouveau dans Rétro Nouveau. Salut. Mario, que vous avez déjà vu. Mario Ramos. Nouveau, mais on l'a vu une couple d'épisodes. Exactement. C'est mon troisième. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, Mario va devenir plus régulier à Rétro Nouveau avec nous autres. Fait que bienvenue, Mario. Ben merci. Officiellement. Merci de m'inviter. Yes. Fait que c'est ça, bref, Rétro Nouveau continue malgré Arcade Montréal et les in et les out de Dominique qui va essayer d'être avec nous autres, mais des fois c'est sûr que ce sera pas évident pour lui de se joindre à nous, puis on comprend ça, mais ça continue, on continue le show en masse, en force. Et puis, à soir, ça va être un méga show de critiques. Tout en critiques ce soir. Ouais, c'est gang des critiques. Ouais. Oh, c'est gâté, là, tu sais. C'est vraiment. J'ai pas mis une pile de jeux, là, puis passé au travers, là. Okay. Ah ouais. Puis à la fin, on a des critiques express en plus. En plus. Ouais. Critiques rétro express. Oui, ouais, ça manquait de rétro vu que Dom n'est pas là. Ouais, exact. Mes cernes ont des cernes. Fait que, ouais, on commence ça en Lyon avec Nick. Yeah! Tu vas nous parler de... Moi, je vais vous parler d'un jeu que je voulais faire la critique depuis plusieurs semaines, puis il y a toutes sortes d'affaires qui arrivaient, puis ça marchait pas. Finalement, Street Fighter V. Oh yeah! Oh yeah! Donc, Street Fighter V, bon, c'est le cinquième officiel des Street Fighter. Il y a un nombre de spin-off incroyables, si on compte les Alpha, les EX, tout ce qui s'est produit dans cette série-là. Ça a été développé par Capcom et Dimps. C'est qui Dimps? Dans le fond, c'est une des compagnies, c'est des anciens de Capcom qui sont partis. Ils ont travaillé sur Street Fighter 4 et les multiples itérations. Publié par Capcom, bien sûr. Ça, c'est disponible sur PC et PS4. C'est classé adolescent. Donc, c'est de la violence. Ouais, c'est de la violence. De la violence, mais graphique. Ça saigne pas, mettons, tu sais. Puis. Ça vomit plus quand on frappe dans le ventre des personnages, ouais. Comme à Street Fighter 2. Là, fait que... Puis, est-ce que la grande controverse est partie finalement parce qu'il y avait le fameux butt slap? Ouais. Moi, je connais rien de Street Fighter 5, puis c'est la seule affaire que j'ai Mika vu Rainbow. Sur Internet. Fait que là, tu commences en force, mais grosso modo, dans le bêta, il y avait des prises de caméra qui étaient très sexy, en fait. Okay, beaucoup trop c'était ça, le problème. Suggestives. Donc, Mika Rainbow se donnait une petite tape sur la fesse quand ouais. Faisait son ultra. Puis, donc ça, ils ont enlevé ça en bougeant la caméra. Même chose pour Camille oh. Qui avait... Mais Camille, c'était ouais, assez ben, révélateur. Camille déjà bien super serré. Puis les prises de caméra, disons, montraient des endroits là, qui étaient plus ou moins appropriés si vous voulez jouer okay. Avec votre fille, mettons, de 7 ans. Donc, ça a été enlevé. Pour moi, c'est pas vraiment une controverse. T'sais. Ils ont essayé des trucs, puis le monde a réagi, puis c'est correct. Ils l'ont enlevé. Là. Heureusement, c'était dans le bêta, là, fait que c'était pas dans la version finale. Là, fait que, okay. Ils sont essayés, ils sont fait un petit peu taper ses doigts, puis c'est ça. Bon. Donc... Qu'est-ce que c'est, dans le fond, ce jeu-là? Ben, c'est un nouvel engin, en fait. Ça a été développé sur Unreal. C'est un tout nouveau système de jeu. Donc, tu sais, pour tous les gens qui ont commencé la franchise avec Street Fighter 4, ouais. Vous allez voir, c'est vraiment différent. Mais c'est très, très approprié, tu sais, dans le thème des Street Fighter. Quand il y en a un nouveau, il y a toujours quelque chose de nouveau. Puis c'est très différent. Street Fighter 1, si vous avez joué, tu sais, c'est pas la même affaire que le 2. Le 2 a amené quelque chose d'incroyable. Ouais. Ensuite, le 3 est sorti. Le monde, les gens oublient que quand le 3 est sorti, le monde dans les arcades, c'est pas bon cette affaire-là, c'est pourri, j'aime pas ça. Finalement, Third Strike est devenu genre un des meilleurs jeux de tous les temps, ouais. Des jeux de combat. Fait que les gens ont bien la misère à accepter le changement, surtout dans cette série-là. En général, les gens ont de la misère avec le changement. Exactement, tu sais. Puis ça fait pas exception, tu sais. Ouais. Les gens sont très, je dirais, très vocales par rapport à ce qu'ils aiment pas dans ce jeu-là. Moi, je vais vous donner un petit peu mon interprétation de tout ça. Premièrement, parlons des nouvelles mécaniques. C'est Street Fighter V en chiffre romain V. Tout tourne autour de cette thématique-là. Donc, en bas, ce que vous voyez, c'est y a un jauge spécial. Ouais, un jauge V. Ouais, c'est ça. Le jauge V va vous permettre de faire plusieurs choses. Premièrement, vous pouvez remplir votre jauge V avec ce qu'on appelle les V-Skills. Les V-Skills, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Chaque personnage dans Street Fighter V a une habileté spéciale qui peut être produite, ça s'appelle le V-Skill, tout ça, ça va vous permettre de remplir ce jauge-là. Okay. Moi, ce que j'aime de ce feature-là, c'est que ça permet vraiment de distinguer les personnages les uns des autres. Par rapport à Street Fighter 4, où tout le monde était relativement homogène, il y avait toutes les mêmes habiletés, là, c'est complètement différent. Tu sais, si on regarde, Ken, ça va comme, il va courir à l'avant, dasher, faire un coup de pied, Ryu, c'est un pari, Bison va absorber une boule de feu, Zangief va faire une espèce de move là, d'absorption là, où il peut prendre des hits. Donc, tu sais, c'est vraiment très, très, très varié. Moi, je trouve que ça met une belle diversité dans ce jeu-là. Vraiment intéressant. Il y a aussi le V-Trigger. C'est quoi le V-Trigger? Dans le fond, ça, c'est une fois que vous avez chargé votre jauge, c'est une autre habilité encore plus spéciale que vous pouvez faire. OK. C'est pas un super ou un ultra comme vous êtes habitué, là, mais ça peut être des choses... c'est vraiment le fun. Par exemple, tu sais, Charlie, Nash... qui est de retour dans cette version-là, va se téléporter. On va voir Bison, maintenant, il a accès à des nouvelles habiletés. Il est plus puissant, il fait plus mal. Okay. Chaque personnage a quelque chose d'un peu spécial. Ryu peut charger sa boule de feu avec de l'électricité. Oh, fait que ça donne encore un petit peu plus de profondeur à tous les personnages. Ça les différencie davantage. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et finalement, il y a le V-Reversal. Dans le fond, c'est quoi le V-Reversal? Si vous êtes familier avec la série Alpha, c'est un Alpha Counter, en fait. Pendant que vous bloquez... la personne vous attaque continuellement, vous faites un V-Reversal, ça vous donne ça repousse l'autre personne, ça vous donne un momentum pour être capable de frapper l'autre. Ça donne un petit coup aussi en même temps. Okay. Donc, c'est vraiment intéressant. Ils ont aussi ramené le jauge de stun, on peut dire. Donc, vous allez voir si votre adversaire est très proche ou pas d'être étourdi. Ça, c'est vraiment clé, là. Donc, si vous voyez que ça rapproche d'être étourdi, vous allez juste mettre plus de pression. Oui. Donc ça, c'est un petit peu les différences. Si on regarde, il y a les Critical Art, dans le fond. On a gardé la barre en bas, là, qui est la barre standard qui nous permet de faire des moves EX, puis les Super. Là. Comme dans, ça veut jouer à Super Street Fighter 2 Turbo dans le temps, là, ben, vous voulez faire votre Super, c'est possible quand vous remplissez votre barre. Okay. Ça, c'est les mécaniques de base. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce jeu-là? Il y a vraiment... C'est un jeu qui est vraiment différent au niveau de la mentalité, de la philosophie à l'arrière de ça. Parce que Street Fighter 4, il vous demandait... il vous permettait beaucoup de choses. Il y avait des coups défensifs, tu avais le focus attack que tu pouvais faire pour absorber. Ouais. Ce jeu-là, c'est comme un jeu un peu plus all-in dans un sens. Lorsqu'on fait des moves, on se commet. Il y a un jeu au niveau du wake-up, quand on se relève, qu'on est assommé, qui est vraiment plus intense. Ouais. Il y a énormément de propriétés à apprendre au niveau des moves normaux. Fait que c'est vraiment un jeu de footsie, comme on pourrait dire. Puis de poke, puis de savoir quel normal mettre à quel moment. Okay. C'est très, très technique. Un petit peu moins flashy que l'autre, mais très, très, très intéressant au niveau du combat lui-même. Ça serait peut-être pour les hardcore, ceux-là qui ont déjà joué au 4 qui sont vraiment bons. En fait, non. Je pense que c'est un peu plus pour tout le monde parce ils ont facilité l'exécution des super moves, on pourrait dire. Okay. Fait que maintenant, la boule de feu est plus facile à faire, le Shoryuken, etc. Okay. C'est sûr que devenir bon à ce jeu-là, ça va demander des heures et des heures et des heures de pratique. Okay. Mais tout le monde peut commencer à jouer puis juste le faire puis peut-être plus facilement que tous les autres de la série. OK. Là, on va parler des forces aussi, tu sais, au niveau du jeu online. Bon, moi, j'ai trouvé que l'expérience online est vraiment bien faite. Le lag est vraiment bien contrôlé. Il y a du matchmaking qui peut se faire entre PC et PS4. Vraiment intéressant. Okay. Par contre, c'est un peu limitatif au niveau de ce qu'on peut faire. On nous demande de choisir un personnage. C'est lorsqu'il y a une proposition de match, ben, j'ai pas le choix. Je me batte avec ce personnage-là. OK. Il y a une autre chose qui était peut-être un petit peu moins intéressante. Ce jeu-là a shippé, puis il manquait certains features quand même. T'sais. On regarde, on peut faire des combats de lobby qu'on appelle. On attend quelque part, quelqu'un rentre, on fait des combats. Dans Street Fighter 4, tu pouvais avoir plusieurs personnes, je pense jusqu'à 8. Maintenant, tu peux juste être deux à la fois. Il y a un patch qui s'en vient qui va corriger ça, mais il n'est pas encore là. Okay. Autre chose qu'on peut dire, c'est... moi, je pense que le multiplayer est vraiment bien fait. Comme je dis, le mode en ligne est intéressant. Mm-hmm. Il y a un petit irritant. Là, les gens qui se déconnectent, les rage quit qu'on appelle, ne perdent pas de points nécessairement dans le mode rank qu'on essaie d'accumuler. Là. Donc, ça, c'est un peu dommage. Capcom va prendre des actions par rapport à ça. Mais tu sais, moi, j'en ai pas vu tant que ça des rage quitters. Ça m'a pas pollué l'expérience. Il y a plus de monde qui chiale là-dessus sur les forums. Mais moi, personnellement, je n'ai pas expérimenté tant que ça. Quelques fois, mais pas plus. Je pense que ce jeu-là, l'aspect le moins intéressant, c'est beaucoup le single player. Parce que il y a un story mode qui est là-dedans, mais il est tellement facile, tu sais. Tu fais 3 à 4 combats avec ton personnage, tu sais. Puis il est pas. C'est pas vraiment quelque chose qui est satisfaisant. Tu sais. C'est un round. Il y a une belle histoire. Le narratif est bon. Ça fait du sens, mais. Il manque quelque chose. Un round, c'est trop court. Ça se finit vraiment trop vite, ce jeu-là, au niveau single player. Il y a un survival mode là, qu'on peut utiliser pour débarrer les différentes couleurs. Il n'est pas super satisfaisant. C'est correct. Mais encore une fois, c'est des 1 mode. T'sais, j'aurais aimé que ça ressemble un peu au World Tour de Alpha 3, qui était au PS1, qui offrait plus de variété dans ton survival. T'sais, des fois, tu te battais contre plus qu'un bonhomme. Des fois, tu vas avoir une espèce de... Tu commences avec peu d'énergie, puis lui, il est plein. Il manque cette variété-là. Fait que le single player est un peu décevant, je dirais, de ce jeu-là. Parlons rapidement des personnages, en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont ramené plusieurs visages connus. Tu sais, Mika Rainbow qui venait de la série Alpha. Ouais, ouais. T'as Birdie qui ont ramené. Tu regardes, donc, t'as Zangief, t'as Dalsim, Ken Ryu. Charlie Nash qui est revenu. Ouais. Tu sais, il s'appelait Charlie en Amérique, Nash au Japon. Ils ont juste dit qu'il s'appelle Nash, mais son prénom maintenant, c'est Charlie. Il est là, c'est vraiment intéressant. Lui aussi vient de la série Alpha. T'as Bison, le dictateur en fait. Mm-hmm. Puis ils ont racheté des nouveaux personnages que j'aime bien. Moi j'ai. Il y en a un, c'est Rachid en fait. C'est un personnage rapide en fait. Un petit peu rappelé un Filon avec des boules de feu. Okay. Quelqu'un du Moyen-Orient. Assez intéressant. Il y a Laura, moi qui est le personnage. Elle fait du Jiu-Jitsu brésilien. Pour ceux qui connaissent la série en fait, c'est la sœur à Sean qui était dans Street Fighter 3. Donc vraiment un personnage intéressant. Il y a un nouveau personnage qui s'appelle Fang. Qui est comme un nouveau personnage, la main droite de Bison, en fait, qui est vraiment un gros troll. T'sais. Le personnage qu'ils ont mis dans le jeu pour troller. T'sais. Il est horrible, il est laid physiquement, il est grand, mince, avec des grandes manches. Il lance du poison, mais il y a une mécanique super intéressante que c'est comme du poison. Puis ça c'était encore jamais vu vraiment dans Street Fighter. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de personnages, mais selon moi, il y en a juste assez. Ouais. Il y a une belle diversité. La profondeur des mécaniques de jeu sont là. C'est un jeu que vous allez jouer là, genre 10 ans. Sans blague, là, c'est que ça va être là pour longtemps au niveau compétitif. Il y a des releases. Tous les personnages ont été annoncés déjà qui s'en viennent. Le prochain qui s'en vient en mai, c'est Alex de Street Fighter 3. OK, fait qu'il y a d'autres personnages qui s'en viennent. Oui, tout à fait. Mais il va falloir payer pour. Il y a du DLC. Il y a des systèmes de points, en fait. Bon. Ouais, c'est ça. OK, bon, mais il y a un système de points qui va vous permettre de... d'aller acheter des personnages gratuitement si vous grindez un peu comme un MMO, là, mais grosso modo, c'est là. Donc, j'ai vraiment aimé ce jeu. Oui. Il n'est pas parfait. Capcom a un plan pour, je dirais, fixer ce qui est brisé présentement. Comme il n'y a pas d'arcade mode, j'ai trouvé ça un petit peu plate. Le single player, il est décevant. Si vous êtes un joueur de single player, je vous dirais, attendez un mois ou deux avant d'acheter ce produit-là. Mais les jeux de combat, c'est rare qu'il y ait des bons singles. Ben, tout à fait. Moi, il y avait Tekken que j'ai beaucoup aimé. Le dernier Tekken, je pense que c'était le 7e, je sais pas trop. Ouais. Il en offre toujours un peu plus. Là. Je trouvais que c'était vraiment bon comme tout à fait. Single. Ouais. Mais là, lui, il en offre vraiment pas. Par contre, si comme moi, vous jouez Street Fighter pour le plaisir de soit faire du compétitif sur votre divan ou jouer en ligne, ben pour moi, les outils sont là. Oui, j'aimerais avoir un lobby qui a un peu plus de monde, mais ça me permet de jouer contre du monde dans une situation qui a pas beaucoup de lag. Pour toutes ces raisons, je donne la note de 4.5 sur 5 et je vais me faire flamer parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que ça mérite beaucoup moins, mais attardez-vous à la profondeur du gameplay. Pour moi, il est sans faille. C'est un jeu que j'aurais donné 5 s'il avait été complet, mais présentement, dans son état actuel, je peux pas faire ça. Alors, c'est la meilleure note que je peux donner. Nice. Et je vous le dis, là, si vous aimez les jeux de combat multijoueur, let's go, allez-y, achetez-le là, si vous ne l'avez pas déjà fait. Là. Go. Mais tu sais, ça vient d'un gars qui trippe Street Fighter. Là, la caméra. Ouais, c'est fou. C'est ça, excusez-moi. Des vieilles habitudes. Là, fait que, allez-y. Ouais, d'ailleurs, par rapport à ça, moi, je dirais au monde d'aller voir Street Fighter in Real Life sur YouTube. C'est comme un cours qu'une gang ont fait, un court-métrage. C'est hilarant, là. C'est tellement bien fait. C'est vraiment drôle. Ah, j'avoue, hein. C'est quand même, tu dis, il y a un certain budget là-dedans. Ouais. De... En tout cas, je vais pas voler de punch, là, mais... Je pensais que ça se jouait bien sérieux au début, puis à un moment donné, tu vois les gars, puis ça, c'est hilarant, là. Il y a une couple d'années, il y avait aussi il y avait une web-série qui s'appelait Street Fighter The Later Year. Ouais. Oui, ah ouais, c'était... Ouais, il était à l'école. Drôle, ah, c'était malade, ça. Il y a comme Bison qui est comme super vieux puis en chaise roulante. Ouais. Puis il y a Ryu qui a vendu le Shoryuken. Là, ouais, le, la Hadouken. Ouais. La Hadouken. Puis le monde font ça dans le parc. Là, ah ouais. C'est vraiment bon cette série-là. Ouais. Si c'est, vous avez. C'était avant que les web-séries deviennent populaires. Ouais. C'est ça qui était sorti sur YouTube. Puis c'est quand même bien, c'était quand même bien fait, puis c'était drôle, là, les, ouais, les gags. Là. C'est clairement, moi, c'était hilarant, là, je trouvais ça vraiment drôle, là, mais allez le voir, là, puis c'était des petites séries, des petites capsules, hein, il y avait des suites, là, puis ça sortait... C'était comme 4-5 ouais, minutes. Ouais, ça. Mais ouais. Street Fighter The Later Years. Génial. Fait ouais, que moi, je vais enchaîner ça avec ma critique de Far Cry Primal. Oh. Far Cry Primal, qui est un jeu développé par Ubisoft Montréal. C'est le studio de Montréal qui a fait ça, fait que c'est quand même assez ouais, cool. C'est ça, c'est un peu le premier vrai gros jeu de la préhistoire des Hommes des Cavernes. Oh, t'oublies Caveman Story, là. Je le sais. Puis The Revenge, genre, c'est comment? Caveman Games. Caveman Games, puis genre Quest for Tire. Ouais, c'est vrai, Quest for Quest Tire. Quest for Tire, c'est quoi ça? Hey, c'est vrai, Quest for Tire. Ouais. C'était hot, ça. Wow. En tout cas, oui. C'est vrai. Vieux jeu Commodore ou Coleco. Ah non, jamais. Ah, c'est vieux. Mais c'est ça. Là-dedans, en fait, c'est que c'est. Moi, je dirais que c'est le premier jeu à grand déploiement. C'est que là, c'est vraiment. C'est, ouais, c'est juste ça, le jeu. Il n'y a pas une twist à un moment donné où ton bonhomme va sortir un gros gun puis qui va commencer à tirer partout. Okay. C'est vraiment la préhistoire. Fait que là-dedans, t'incarnes Takar, puis Takar, c'est un. C'est un homme qui est chasseur puis qui se fait prendre en embûche avec sa tribu. À un moment donné, toute sa tribu se fait tuer. Et puis, finalement, il faut qu'il réussisse à réunir des gens de son côté puis qu'il réussisse finalement à reformer une tribu, à reformer un genre d'armée, en fait. Est-ce que ça a un rapport avec Rahan? Non. Hey, là, tu me bloques, mon gars. Excuse-moi. Je sais pas. Tu voulais juste plugger Rahan. Mais ouais, c'est ça. Des anges farouches. Ah ouais, c'était écœurant. Ouais, le gameplay rush, là, mais ça rush pas de même d'habitude. Là. Non. Le jeu, c'est quand même pour les images, là, c'est de valeur, mais... Ben, c'est en fait, ça donne une certaine idée de ce que pouvait avoir l'air de YouTube au temps de la préhistoire. Ouais, c'est ça. Des dessins sur un mur. Quand tu bouges vite, ça s'anime. C'est un gif. Un GIF deux couleurs. Mais non, c'est ça. Puis en fait, faut que tu réussisses à rallier des gens pour faire ta tribu. Puis il faut aussi, c'est ça, faut que tu te battes contre les bêtes que tu retrouves. Faut que tu te battes aussi contre certains humains, des tribus adversaires. Puis c'est ça, c'est un jeu à la première personne. Fait que c'est comme un first-person shooter, sauf que t'es pas vraiment un shooter. Là-dedans, tes armes principales, t'as un arc. T'as un espèce de gros club, là, un espèce de gros bâton. Puis t'as aussi, t'as une lance, c'est ça. T'as une lance aussi que tu peux lancer ou tu peux piquer les gens avec, mais tu vas ramasser aussi d'autres armes. Tu vas ramasser des projectiles comme une espèce de truc que tu tournes puis que tu lances une roche. Tu vas ramasser des bombes, il y a comme des espèces à pièges avec des abeilles dedans. Tu peux lancer ça au monde. Des fumigènes, des trappes. Il y a quand même plein de trucs qui sont débloqués tout au long du jeu. Mais principalement, tes armes, c'est vraiment ces trois-là. Là, la lance, l'arc et puis le bâton. Puis tu vas les améliorer tout au long du jeu. Même que ton arc, tu vas pouvoir avoir un arc avec plusieurs flèches qui vont tirer en même temps. Ton bâton va devenir de plus en plus brutal. Tu peux même en avoir un à deux mains. Fait que c'est ça. Ça s'améliore tout le temps, tout au long du jeu. Puis, dans le jeu, faut vraiment. C'est un jeu qui favorise l'exploration quand même pas mal. Parce qu'il faut que tu ramasses des ressources, faut que tu ramasses des plantes, faut que tu ramasses des rochers, faut que tu ramasses des peaux d'animaux. Fait que les animaux que tu chasses, faut que tu ailles prendre leur peau. Mm-hmm. Il y avait déjà ces éléments-là dans Far Cry. Fait que c'est, on est quand même pas trop loin non plus de la série Far Cry. Il y a des trucs de base qui sont encore là, puis on sent que c'est le même engin, que c'est sensiblement le même gameplay, mais il y a des différences. Là-dedans, tu as des bêtes que tu vas attaquer, mais ces bêtes-là aussi, il y en a que tu peux apprivoiser. Ah ça, ouais. C'est vraiment cool. Peux-tu avoir un pet, genre? Ben, tu peux avoir un ours. Ah ouais. Mettons, t'es devant un ours, puis cool. Là, tu lances un appât, en fait. Tu lances un morceau de viande. Puis là, après ça, tu l'apprivoises. T'es comme, OK, c'est correct, je suis ton chum. Finalement, après ça, ça devient ton ami. Puis tu peux attaquer d'autres ennemis avec ton ours, en commandant ton ours. Ils ont engagé des historiens. Ouais. puis des dresseurs de cirque. Exact. Fait que c'est ça, fait que tu peux faire ça, mais aussi à un certain point, tu réussis à chevaucher certains de ces animaux-là, puis à pouvoir courir à dos d'ours ou de mammouth ou de tigre, genre de saber-tooth. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment le fun, parce qu'au départ, tu te promènes à pied tout le temps. Il y a certains voyages rapides que tu peux faire sur ta carte quand tu libères un endroit, parce qu'il y a aussi... justement des camps à aller défaire. T'as des fois certaines personnes qui sont prisonnières, fait que là, faut que tu ailles les délivrer. T'as plusieurs façons de rallier des gens pour venir de ton bord, puis aussi de te débarrer des camps. Là-dedans aussi, t'as un faucon, puis ton faucon, c'est vraiment cool. Tu l'appelles, il est là quasiment depuis le début du jeu. Puis tu peux survoler des camps ennemis, puis tu peux aussi... voir tes targets, bon, c'est qui le crieur, c'est qui lance des bombes, c'est qui fait telle affaire. Tu peux aussi, à un certain point, aller tuer certaines de ces personnes-là avec ton faucon. Tu peux lancer des bombes, des espèces de fumigènes, des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment le fun, le faucon, c'est vraiment une belle addition. Moi, ça m'a fait penser à Mark of the Kree, qui est un vieux jeu qu'il y avait sur le PlayStation. Okay, ça me dit rien. C'est vraiment bon, Mark of the Kree. Là. Ils l'ont ressorti sur PS4, je pense PS3 aussi. C'est un classique PS2. Okay. C'est vraiment bon. C'est des jeux qui ressemblaient à des jeux de Disney, mais extrêmement sauvages. Puis, c'est ça. Belle description. C'est ça. Puis là-dedans, on utilise aussi beaucoup le feu pour altérer nos armes. Fait qu'avec le feu, on peut faire plein de choses. Tu peux tirer, tu peux frapper du monde, tu peux mettre le monde en feu. Si toi-même, t'as un bâton puis qui est en feu, puis que tu passes à côté des herbages, des grandes feuilles, ben ça peut pogner en feu aussi, puis tu peux pogner en feu. Tu peux mettre une bête en feu aussi qui va revoler dans tout le monde. Un ennemi en feu qui va revoler dans tout le monde. Fait que le feu sert vraiment beaucoup. Tu peux vraiment t'en servir à ton avantage. Puis c'est ça, comme j'ai dit tantôt, on chasse, on apprivoise, on chevauche. Puis aussi, on apprend des habiletés d'autres habitants qui se retrouvent un peu partout sur la map. Fait que ta carte, elle agrandit tout le temps, pareil comme dans Far Cry. Puis là, tu découvres certaines personnes. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce qu'ils ont inventé un langage pour ce jeu-là. C'est pas une langue qui existe vraiment. Okay. Puis t'as des sous-titres, évidemment, sinon ce serait vraiment absurde. On comprendrait absolument rien. Mais les personnages qu'ils ont créés, je trouve qu'ils ont retrouvé quelque chose qu'ils avaient... t'sais, pas qu'ils avaient perdu, mais depuis Far Cry 3, t'sais, vraiment, le méchant dans Far Cry 3 est juste hallucinant. Là, le mm-hmm. C'est dommage, je me souviens même pas de son nom présentement. Mais dans Far Cry, c'est quelque chose qui ont réussi quand même. Développer des personnages qui ont l'air d'être des humains de tous les jours, mais ils ont une personnalité intéressante. T'as le goût de connaître leur histoire. Je trouve qu'Ubisoft Montréal est vraiment de mieux en mieux. Puis pour le storytelling, ils sont vraiment bons. Mm-hmm. Puis c'est ça, Far Cry Primal, c'est dans les meilleurs côté histoire, côté narratif. C'est vraiment excellent, c'est très réussi. Même que aussi on pousse le narratif, quand ta partie est en train de charger, il donne un peu un recap de ce que tu as vécu dans ta dernière partie. C'est une chose que je trouve très intéressante qui commence à être reprise dans certains jeux. Fait que c'est ça. Peut-être son seul problème à ce jeu-là, c'est qu'à un moment donné, ça peut devenir quand même un peu redondant. C'est un jeu qui est quand même assez long. Ça va prendre à peu près entre 20 et 30 heures pour le terminer. Okay. Y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à découvrir, mais on fait sensiblement tout le temps la même affaire. On tue du monde, en fait. C'est vraiment okay. Ça qu'on fait. Puis c'est ça. Mais tu sais, faut pas oublier que c'est la préhistoire. Tu sais, il y a aussi un truc où tu vas prendre une potion qui t'a été préparée par le chaman, puis là, tu vas aller tu vas aller sur une espèce de bad trip weird. Un peu comme ils ont fait dans les autres Far Cry, tu sais, mais là, tu le fais dans la préhistoire. Fait que c'est un peu vraiment... plus dangereux, c'est ça. Ouais, c'est un petit peu plus dangereux. T'es pas sûr que tu vas revenir. Mais c'est vraiment un très, très, très bon jeu. Puis surtout, c'est un pari qui est réussi parce que moi, ben franchement, un jeu de préhistoire où t'as pas grands armes au final, puis tu sais, t'as pas vraiment de dialogue. C'est ça les défis parce que Far Cry, c'est reconnu que c'est le côté satisfaisant de faire exploser des exact. affaires, puis que tu sais, t'as tout le temps des armes plus folles, puis tout ça. Puis de ramener ça à préhistoire, c'est un choix quand même audacieux. C'est très audacieux, puis c'est un gros risque, ouais, à mon avis, mais je trouve qu'ils ont tellement bien réussi. Pis c'est le fun, c'est un jeu qui, comme j'ai dit tantôt, c'est un peu redondant, rendu à un certain point, tu sais. Mais ça prend du temps avant de devenir redondant. À un moment donné, tu es rendu peut-être à 10-15 heures, puis là tu fais comme ok, il faudrait d'autres choses. Puis il y a d'autres éléments, mais c'est peut-être le problème de ce jeu-là qui se retrouve dans à peu près tous les first-person shooters qui existent. À un moment donné, tu fais comme ok, on a fait pas mal le même type de mission. Mais c'est vraiment excellent, super bon jeu. Moi, j'y donne un 4 sur 5. Excuse-moi, GF, j'étais vraiment... J'ai trop d'affaires. Mais c'est ça, je donne un 4 sur 5, sérieux. Achetez ça, c'est vraiment bon. Ça vient de chez nous. Puis, comme je vous dis, côté narratif, si vous aimez les bonnes histoires, vous aimez l'ambiance dans un jeu, vous allez vraiment triper. Puis, t'sais, chevaucher un mammouth, là, tu fais pas ça souvent. C'est vrai. Ouais. Et voilà. Fait que sur ça, je laisse la parole à Mario. C'est à ton tour. Oui, je suis en train d'ouvrir. Ben oui. Et rendu donc, à Moon Hunters. Donc, c'est ça, je vais vous parler de Moon Hunters, qui est aussi développé à Montréal par Kit Fox Games. Puis, je pense que c'est leur deuxième projet. Leur premier projet, quoi ça s'appelait? Shattered Planet. C'était un petit projet qui aussi, c'était procédural. T'sais, c'est comme les niveaux s'écrivent de façon un peu aléatoire. Puis, Moon Hunters, c'est un jeu de rôle d'action. Ça peut te faire penser à Diablo, à Gauntlet au niveau du gameplay. Okay. C'est vu du dessus. Puis c'est des graphiques un peu rétro, mais c'est pas le pixel art là, qu'on est habitué à voir. Il y a quand même quelque chose d'unique. Là, on va le voir dans les images. Puis donc, c'est ça. C'est un jeu d'action RPG. Tu as le choix entre différentes classes. Je pense que tu as 4 classes au début, puis tu peux en débarrer d'autres ultérieurement. Puis au fond, l'histoire, c'est... tu choisis un personnage. Au début, tu peux choisir entre deux villages différents dans lesquels tu peux commencer. Mais l'histoire est toujours la même. C'est que à un moment donné, il y a comme la lune n'est plus là. Puis ils se demandent tout pourquoi la lune n'est plus là. Puis là, au fond, toi, tu pars dans une aventure à découvrir qu'est-ce qui se passe. Puis là, au début, tu es dans ton village. Puis là, tu pars... tu as 3 jours, au fond, pour... j'ai tout le temps le mot investiguer dans la tête, mais c'est pas investiguer, c'est enquêter. Enquêter là-dessus. Puis là, tu as toujours le choix de choisir un niveau qui apparaisse autour de ton village. Puis là, tu choisis un niveau, puis là, ça va être un niveau fait de façon procédurale. C'est-à-dire, ce sera jamais pareil. À chaque fois que tu vas jouer, les ennemis vont. La carte va être différente, les ennemis vont être placés différemment, etc. Oh, oui. Puis, au fond, c'est un hack and slash un peu. Tu te promènes, puis là, tu tues des ennemis, puis là, t'as une attaque, t'as toutes sortes de spells que tu peux utiliser aussi. Puis, c'est un jeu quand même très rapide au niveau du combat, ça se passe quand même assez rapidement. OK. Puis, c'est un combat en temps réel? Oui, c'est en temps réel. Okay. C'est vraiment, ça fait tout ça. Ça fait penser à Diablo un peu, à Gauntlet au niveau combat. Puis les tableaux sont quand même assez courts, ça c'est un truc qui m'a un peu déçu, les niveaux sont quand même très courts. Puis là, quand tu finis un niveau, que tu complètes ou que tu meurs pendant le niveau, à la fin t'as comme une espèce de séquence où est-ce que là t'as comme un feu de camp, puis là, durant la nuit tu peux choisir est-ce que tu regardes les étoiles, puis là, ça va faire monter certaines de statistiques. Ouais, tu peux choisir de juste te reposer, ça va remonter d'autres statistiques. Là tu peux choisir aussi de faire manger, puis là il y a des ingrédients que tu vas avoir ramassés dans les niveaux, puis là tu essaies des recettes, puis tu crées des nouvelles recettes. Puis là quand tu sais c'est quoi la recette, tu sais c'est quoi les statistiques que ça te donne, sinon ben tu crées une nouvelle recette, puis là, ça va te donner un certain nombre de statistiques. Puis là, il y a un certain nombre de recettes que tu peux découvrir en jouant. Puis là, tu fais quelques niveaux comme ça, de façon procédurale. Puis à un moment donné, c'est rendu le jour 3. Puis là, c'est le dernier boss. Peu importe ce que tu as choisi comme niveau, peu importe ce qui t'a rencontré. Mm-hmm. Parce que tu peux rencontrer aussi des personnages. Quand à un moment donné, il y a comme un petit campement. Puis là, tu prends la bouffe. La madame, elle sort. Ah, t'as mangé ma bouffe. Puis là, tu as le choix de genre de l'attaquer ou s'excuser. S'excuser. Donc, il y a des petits scénarios comme ça que tu peux rencontrer. Puis des fois, tu vas pas les rencontrer. Des fois, tu vas en rencontrer des différentes. Des fois, ça se peut que deux games de suite, tu rencontres le même scénario, mais il sera pas au même endroit. Et là, t'as le dernier boss. Puis là, tu comprends qu'il y a comme une espèce de... La lune a disparu à cause d'une espèce de culte. Du soleil. Puis là, tu bats le dernier boss. Puis le jeu est fini. Puis là, les parties sont quand même assez rapides. T'sais, tu peux finir le jeu en 30 minutes. Parce que le but, c'est pas juste de passer au travers du jeu. Le but, c'est vraiment de faire et refaire plein de petites parties rapides et commencer dans un village différent, essayer une nouvelle classe, etc. Okay. Puis, tu gardes pas les statistiques que tu as accumulées de ton personnage. Par contre, tu vas garder certaines choses comme les recettes que tu as découvertes. OK, c'est ça. Puis, donc... Fait que ton bonhomme devient quand même de plus en plus fort à toutes les fois que tu recommences. Ton personnage n'est pas nécessairement plus fort, mais tu vas avoir des nouvelles choses que tu vas avoir débarrées. Comme à un moment donné, tu sais, t'arrives, puis là, il y a un animal, puis là, ça dit « Ah, ça aurait été le fun que tu aies rencontré quelqu'un qui t'apprenne... » le langage des animaux. Peut-être que tu vas pas le rencontrer dans ce game-là, peut-être que tu vas le rencontrer dans un autre game, puis ça, c'est des choses qui restent. Puis après ça, tu sais, c'est vraiment d'accumuler au fur et à mesure des parties des petites choses qui vont faire en sorte que tu vas découvrir des nouvelles choses. Parce que en fait, au début, quand tu finis le jeu, ça dit « Ah, ben finalement, même si tu as battu le boss, la lune n'est pas revenue. » Les villageois... se sont dispersés, puis c'est super déprimant comme ça. Mais à chaque fois que tu finis le jeu avec un personnage, ça y a comme une nouvelle constellation qui apparaît dans le ciel. Puis là, le but, c'est vraiment de refaire le jeu plein de fois. C'est vraiment des parties rapides, puis d'accumuler les différentes pièces du puzzle, si on veut, pour éventuellement avoir la bonne fin. Puis là, c'est un jeu qui se joue, tu peux jouer tout seul. Mais je pense que le plaisir du jeu, c'est vraiment jouer en... Tu peux jouer en local, multijoueur, ou tu peux jouer aussi en ligne. Au moment où moi, j'ai joué en ligne, il ne fonctionnait pas encore. En tout cas, j'ai essayé, mais il n'y avait personne, je pense, qui était encore... le bêta, je pense, qui était encore c'est ça. Il n'y avait pas encore beaucoup de monde. Puis, bref. Moi, j'ai trouvé ça super le fun, parce que les contrôles fonctionnent super bien, les combats sont rapides, t'as des moves pour attaquer, t'as des moves pour esquiver, puis c'est jamais pareil, puis c'est vraiment plaisant, le core du gameplay il est plaisant, visuellement c'est super beau. C'est ça, visuellement là, t'sais, les couleurs sont toutes un peu désaturées, t'sais. Puis c'est vraiment, moi j'ai trouvé des graphismes mettons 16 bits mais plus PC de l'époque. C'est un peu point and click, sens là. T'as raison en disant que c'est pas le même, c'est pas le Super NES ou tu sais, genre, c'est vraiment autre chose, quasiment un jeu de Sierra là à l'époque tu sais. Puis c'est vraiment, tu sais, j'ai joué un petit peu, tu sais, en fait, je l'ai fini une fois avec le druide là, tu sais, excellent personnage, vraiment le fun, mais tu sais, juste moi j'ai joué avec la manette. C'était tellement intuitif, tu sais, tu le pognes, tu essaies les affaires, puis c'est comme pas besoin de lire, il y a pas de tutoriel ou rien, tu sais. Tu fais tes affaires, puis là waouh, OK, ça marche, puis c'était le fun, puis je me suis pris au piège, je l'ai fini, tu sais, moi ça m'a pris 80 minutes en fait là, finir ma première fois, j'ai comme tout exploré. Tout le temps j'essaie de fouiller toutes les cartes, tu sais, puis j'ai fait comme à 100% les cartes, je pense que 50 ennemis par carte ou une affaire de même. Puis j'ai trouvé ça vraiment le fun, puis je me suis pris au piège de dire on va faire un autre petit tableau, tu sais, parce que petit tableau, de manière fini le jeu, tu sais, fait que ça se fait vraiment bien, là, c'est fluide, là, c'est comme, puis ça, après ça j'ai débarré du stock, puis ça me tentait d'essayer, tu sais, des nouvelles classes comme tu dis, là, fait que beau petit produit. Ah, c'est cool ça. Mais c'est ça qui est le fun, c'est mettons tu joues tout seul, tu dis un ami embarque dans le game, puis il peut embarquer rapidement, puis ça les contrôles sont intuitifs, c'est super simple comme jeu, mais quand même une certaine profondeur. Ouais. Puis, mais Quelques points négatifs. Je trouvais que c'était beaucoup trop facile, par contre. Même tout seul, tu sais, je finissais le jeu super facilement. Puis j'ai l'impression qu'il y a certains personnages qui sont un peu débalancés au niveau du combat. Ouais, le druide, il est brisé, il est bon. Là. Tu peux abuser de ses affaires. Là. Puis même le je ne me rappelle plus si c'est appelé le Warrior, mais c'est un personnage qui c'est vraiment attaque de melee. T'sais, tu donnes 2-3 coups, puis il se met à faire une tornade, puis tous les personnages meurent super rapidement. Puis t'as l'air à être invincible quasiment. Puis... donc ça je trouve ça les dommages que les niveaux sont très courts. J'aurais aimé ça qu'ils soient un petit peu plus longs, que tu puisses explorer un petit peu plus, puis ça aurait été le fun que ce soit un petit peu plus un challenge le jeu. Oui. Je comprends pourquoi ça a été fait, ça, parce que le but c'est vraiment de faire des parties rapides. Tu arrives, si tu joues en ligne surtout, c'est un petit peu plate, tu peux pas finir ta game si tu joues avec du monde random. Donc, si t'as juste une heure, ben tu peux partir une partie puis le terminer, tu sais. Puis, donc, c'est ça. Moi j'ai bien, bien apprécié ça. Là, pour l'instant, il est disponible, je crois, seulement sur Steam, mais je pense qu'il s'en vient pour console également. OK. Puis, donc, pour la note, moi, j'y ai donné un 4 sur 5. Ouais, nice. Donc, un beau petit jeu à jouer avec des amis. Ouais, ouais, j'aurais vraiment aimé l'aimer. Hein. Tu sais, comme il y avait un petit feeling, là, on avait parlé de Secret of Mana, ouais, là, dans un sens. Ouais. Tu peux être 4 dans une carte comme ça. Là, fait que, wow. Ça, c'est un feature que vraiment, moi aussi, j'aurais aimé l'essayer avec du monde. Là. Mais j'ai essayé seul dans mon sous-sol, à mon PC. Seul. Avec tes amis beaux. Oui, c'est ça. Qui me regardait et me dit viens jouer avec nous, Nicolas. Ouais. Mais ça n'a pas donné, pas tout de suite. Pour un des titres, par contre. T'en as qui sont même pas déballés. Moi, je sais. Pas déballer quelque chose. Mais ça, c'est quelque chose, j'ai vraiment de la misère à faire. Top, pas hein. Déballer quelque chose. Le pire, c'est que c'est inutile. Ils valent pas bien, bien plus cher. Je sais pas pourquoi. Non, je fais c'est ça. Ah, non, t'as aucune raison. Non, faudrait que j'aie. Imagine si tu pouvais y toucher ou voir qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, tantôt, je vais parler de Pokken Tournament. Ouais. Je m'étais acheté Mewtwo. Puis comme, il est dans ma boîte. Puis je suis comme, hey, je vais l'ouvrir. Puis là, je suis ah non, finalement, je vais jouer. Petit Pikachu seulement. J'en parlerai plus tard. Là, mais... Caroline, faut ouvrir les affaires. Ouais, je sais. T'as bien raison. Mais cela étant dit, ça, ben, tu sais, le jeu, j'ai trouvé trop facile, mais j'étais allé lire d'autres critiques, puis c'est quelque chose qui revient. Le jeu vient tout de sortir. Je pense qu'ils travaillent encore dessus. Ça, je serais pas surpris qu'il y ait des fixes au niveau de peut-être du balancement des personnages, de la difficulté. Ok. Donc, ça reste à voir. Ouais. Génial. Bon, en tout cas, beau titre. Moi, comme j'ai dit, là, je l'ai fini une fois, puis c'est le fun, c'est un bon jeu, puis c'est relax, tu joues à ça, il y a un côté zen autour de ça. Puis, oui, la musique, musique est vraiment ouais, elle est très super bonne. Belle. C'est, puis ouais, vraiment bon, hein. Beau petit jeu. La voice over aussi. Faites à Montréal. Ouais. Ouais. Bon. Fantastique. Nick, à mon tour, là, c'est une rafale de critiques qu'on vous dessert. Ah ouais, c'est vous allez fini, pouvoir remplir votre shopping cart sur Amazon. On en a pas fait pendant que Dom n'est pas là. Qu'on sait exactement ce que c'est quoi en ce moment. Là. Salut, Dom, pas de coucher, Dom. Ouais. Donc, Fire Emblem Fate, la version Conquest que j'ai testée. Mario a fait de la critique aussi sur le site de Rétro Nouveau. Je vous invite à aller consulter. Donc, qu'est-ce que c'est Fire Emblem? Ben, ça, c'est une série, en fait... tactique de fantasy. Moi, j'ai découvert la série avec Awakening, qui était le premier volet sur Nintendo 3DS. Donc, le volet actuel est aussi sur Nintendo 3DS. Ça a été développé par Intelligent System et Nintendo SPD. Ça a été publié par Nintendo. C'est classé adolescent. Donc, comme j'ai mentionné, ça, c'est vraiment un jeu tactique. Japonais, by the book. Donc, véritablement, si vous n'aimez pas le genre, vous n'allez pas trouver... votre compte là-dedans, là, c'est un jeu là, qui... C'est comme si on prend le livre de qu'est-ce que ça devrait être un tactique de fantasy, puis on l'applique à 100%. Là. Mais je dis ça, mais ça marche. C'est une belle recette. Ils l'appliquent, puis ils font toujours des petites itérations là, entre les versions, tu sais, puis celle-là, tu sais, ça marche vraiment, vraiment très bien. Là, maintenant, je vous mets en garde. Il y a deux versions de Fire Emblem. Il y a Conquest, puis il y a Birthright. Moi, j'étais habitué un petit peu à choisir ma version avec Pokémon, dans le sens, ça fait pas vraiment une grosse différence. T'sais. Mais c'est peut-être ça, on se pose la question quand j'ai vu le Nintendo Direct. Ouais, moi aussi, puis là, je me suis dit, c'est sûrement comme Pokémon, fait que ça fait pas de différence. Puis tu sais, Pokémon, t'as 2-3 Pokémon exclusifs, t'as la ville qui va être noire ou blanche, puis peu importe. Il n'y a pas vraiment de différence qui va jouer un nom, à part le légendaire, le Pokémon légendaire. C'est une question de préférence. Ouais. Celui-là, c'est pas une question de préférence. Faites pas ce que j'ai fait. c'est pas la même histoire. Okay. C'est pas la même facilité non plus. Donc, il y a deux versions, Birthright puis Conquest. Birthright, c'est la version, si vous avez jamais joué à un Fire Emblem dans votre vie, je vous conseille d'essayer ça. Vous allez avoir une progression plus rapide, plus d'expérience. Oui. L'histoire aussi, dans le fond, vous avez le choix, sans donner de spoiler, là, vous êtes un prince qui a été enlevé dans sa jeunesse. Puis, à un moment donné, vous vous rendez compte que vous appartenez à l'autre royaume. Là, Birthright ou Conquest va vous demander de faire des choix. Donc, je ne vais pas vous donner plus d'informations, mais ces choix-là sont déchirants. Puis, c'est un faux choix dans un sens parce que une fois qu'on a choisi ou acheté notre version, ben techniquement, on a le contenu pour cette version-là. Ces deux campagnes qui sont complètement indépendantes dans un sens, ils vont se rejoindre à la fin, mais c'est comme deux jeux dans un sens. Oui, il y a des personnages communs, mais l'arc historique, elle est différente. Puis, vos choix, tu sais, vont être vraiment différents. Un choisit d'aller avec un royaume, l'autre on choisit d'aller avec l'autre. Ouais. Quand vous arrivez à cette étape de choix-là, vous avez l'option d'acheter l'autre version si vous n'êtes pas content avec celle que vous avez achetée. Ce que j'ai failli faire en tabarnouche parce que j'étais comme « Non, moi je veux l'autre! » Mais finalement, j'ai collé avec mon histoire, puis celle de Conquest. Puis bon, c'est quand même intéressant là, en fait. Là. Donc, ce jeu-là, de la façon dont ça fonctionne, on a plusieurs unités. C'est reconnu Fire Emblem pour être un jeu tactique hardcore. Au Japon, là, c'est vraiment c'est un jeu qui s'adresse au hardcore. Il a été un petit peu américanisé dans la version Awakening où techniquement, quand un de tes personnages mourait dans cette série-là, il mourait pour toujours. Okay. Dans Awakening, il avait amené le fait qu'il pouvait revenir à la fin après le combat. Puis là, ils ont encore plus facilité la chose en ajoutant un mode qui s'appelle Phoenix. Donc tes personnages meurent, ben ils reviennent le tour d'après ou quelque chose de même. Moi, j'ai pas pris la grosse version de mort éternelle. Là, j'ai trouvé ça un petit peu hardcore. Ça me tente pas de faire ça. Je m'attache beaucoup à ces personnages-là. T'sais. Donc, j'ai un attachement émotionnel. Je veux pas qu'ils meurent. Mais j'ai pas pris la version Phoenix parce que ça semble être trop facile pour moi. Okay. Fait que, quelque part entre les deux, il y a un bon défi. T'sais. Fait que le niveau de difficulté, il va être vraiment varié. Il va s'adapter à ce que vous êtes comme joueur. À part ça, comment ça fonctionne? Ben, tu sais, dans le fond, on fait des combats, on déplace sur une petite carte là, en vue isométrique. C'est vraiment comme Final Fantasy Tactics. Il y a des carrés au sol. Vous allez vous déplacer, vous allez faire des attaques. Lorsque vous êtes à côté d'une ressource amie, ça va vous permettre de vous donner des bonus spéciaux. Il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire. Si une ressource n'a plus beaucoup d'énergie, vous pouvez la prendre en équipe avec une autre ressource plus forte pour éviter que celle-là tombe. Puis lorsqu'on se bat avec un allié, on crée des liens. Okay. Puis lorsqu'on crée des liens, il peut se passer des choses. Premièrement, nos bonus sont un petit peu plus intéressants, mais un jour, on peut tomber en amour. ça fait partie du jeu. Puis tu sais, vous pouvez avoir des ressources dans votre équipe qui se marient, mais vous-même, vous allez vous marier à un moment donné. Puis ça, je savais pas trop comment le mariage fonctionnait, mais dès que tu atteins le rank S avec une personne sur le territoire, tu vas pouvoir te marier. Bonne nouvelle pour les gens là, qui aiment les différents horizons. Là, la romance n'est pas exclusive là, au sexe opposé, en fait. Fait que vous pouvez avoir des... Tu peux même te marier dans ta propre famille, c'est ça qui... Ouais, qui ça, c'est... Moi, je l'ai pas fait. Il y a vraiment beaucoup de connotations d'inceste dans ce jeu. Ouais, il y a ça. Là, ça plane. Mais dans le fond, c'est parce que c'est pas vraiment tes vrais frères et sœurs. En tout cas, regarde. Okay. Je sais pas si ça marche... J'ai pas essayé l'autre. Ouais, c'est ça, moi aussi. Mais, que... mais ceux-là, c'est comme, t'as été élevé avec, mais c'est pas le même sang. Mais peu importe. On va passer. on va pas parler de cet aspect-là parce que moi, je l'ai pas exploré. Ben, libre à vous si vous avez des recoins. On va en parler dans mes fun facts de tantôt de ça. C'est justement, j'ai un petit bout de la si vous avez des recoins sombres de votre personnalité, allez-y. Mais quand même, mais c'est le fun. Puis vous allez avoir un enfant, en fait, à un moment donné. Puis cet enfant-là va pouvoir combattre avec vous. T'sais. Puis on parle pas de faire combattre des enfants, mais en tout cas, il va grandir d'une dimension parallèle. C'est vraiment le fun parce que les personnages ont des habiletés spéciales. Puis moi, j'adore. Quand ils trigger, c'est le fun. T'as une belle animation. C'est joli. Les combats, en plus, les animations ont été améliorées par rapport à l'autre version. C'est plus beau. Vraiment plus fluide. Ouais. Il y a des petites améliorations comme au niveau des save games. Avant, il fallait loader une game, puis ensuite loader le state qu'on était. Celui-là, pas besoin. Vous pouvez loader dans une game ou au début du chapitre, dès le menu. Il y a un mode en ligne aussi qui est vraiment intéressant. Moi, j'étais accro à ça. Là. En fait, j'étais encore accro. Là. J'allais farmer. Tu peux te construire un château. Là, tu l'améliores. Puis, tu peux construire des choses. Puis, tu peux aller visiter les châteaux des autres. Okay. Tu peux utiliser son magasin, par exemple. Puis, des fois, il y a des spéciaux que tu n'as pas dans ton magasin. Mais tu peux aussi conquérir son château, ce qui est merveilleux. Okay. Puis, quand tu conquiers le château, tu peux avoir accès à acheter des skills pour ton personnage à rabais que tu aurais débloqué soit plus tard ou juste jamais, tu sais. Donc, c'est vraiment, vraiment super intéressant. Dans le fond, ça te donne du contenu infini, tu sais. Les châteaux du monde, il y en a autant qu'il y a de joueurs puis sont là parkés quelque part en ligne. Ça fait pas faire d'expérience, mais par contre, ça va vraiment te permettre de trouver des items ou encore les habiletés qui sont vraiment, vraiment importantes dans ce jeu-là. Moi, j'ai vraiment, vraiment aimé mon expérience. Tu sais, c'est très, très japonais. Très, oui. Très, très tactique. L'histoire, elle est très bonne, en fait. Moi, je me laisse prendre à l'histoire. Je la trouve intéressante. Tu sais, il y a vraiment une bonne façon de... Le storytelling est excellent. Puis, je m'attache à ces personnages-là. Tu sais. Oui. C'est difficile parce que tu peux juste mettre un nombre restreint de personnages sur le jeu en même temps. Mais j'aime beaucoup plus de personnages que je peux en mettre. Fait que ça, c'est un beau problème, en fait. Il faut gérer ça comme il faut. Donc, il y a plein de beaux éléments dans ce jeu-là. Et c'est tellement... C'est le fun, c'est tactique. Le volet Conquest est plus difficile. T'sais, si vous n'avez pas joué à la série, vous allez peut-être mourir une couple de fois, c'est correct. Il faut que vous appreniez comment ça fonctionne, la série. Si vous n'avez jamais joué, allez-y avec Birthright. Si vous avez joué à l'autre, allez-y directement avec Conquest. Mais c'est une super belle expérience. Un très beau jeu, puis mobile... J'arrête plus de jouer, je le prends tout le temps. Il est sur le bord de ma commode le soir. Je dors beaucoup moins là, depuis que j'ai ça. mon trip de métro, sérieusement, c'est une vraie histoire. Moi, techniquement, je débarque à McGill puis je suis passé tout droit parce que je jouais. Ouais. C'était un bout d'histoire, OK? Je lisais, j'étais complètement immergé là-dedans. Fait que vraiment un très bon jeu. Le seul côté irritant, je dirais, c'est dommage à cause de, comme j'ai dit, il y a deux volets à l'histoire. Le volet DLC, on aurait peut-être aimé l'avoir, même si il manque pas de contenu, c'est pas vrai. Ouais. C'est peut-être juste un esprit là, qu'on se dit. En fait, le DLC Révélation, c'est carrément une troisième campagne. Ouais. Parce que, tu sais, Birthright, t'es choisi de... Il fait un choix de famille. Dans Conquest, il fait un autre choix de famille. Puis là, j'ai pas encore joué à Révélation, mais ce que j'ai lu, c'est que là, il décide de pas faire ce choix-là. Ça fait que c'est comme trois versions alternatives de l'histoire, mais que ça a l'air qu'il y a des choses qui t'apprends vraiment juste dans Révélation. Ouais, tu choisis aucun côté, ouais. C'est ça. Ouais, j'avais oublié d'en parler, celui-là. Je me suis procuré, mais je ne l'ai pas encore joué. Là. Ouais. Je vais finir la campagne, puis ensuite, je ferai l'autre. Là. Mais quel beau produit, honnêtement. Là, c'est... Si vous aimez ça, les tactiques ou les RPG japonais, là, donnez-y une chance, une belle série. Puis maintenant, de plus en plus accessible. Avant, c'était hardcore, puis c'était comme genre complètement fou. Mais là, maintenant, ça devient très accessible. Je vous dis, un bel investissement. Puis au pire, comme je dis, achetez juste Birthright pour essayer. Puis si vous aimez ça, vous allez continuer. Mais très, c'est lequel très le bon plus jeu. Facile, tu disais? Parce c'est là, Birthright, le plus facile. Le plus facile. Conquest, le plus challengeant. Puis Révélation, je sais pas. Honnêtement. Le troisième chapitre. Ouais, le troisième chapitre. Là. Mais le troisième chapitre est juste virtuel, je pense. Hein? Tu l'as dans le Collector's Edition, sinon c'est juste en DLC. C'est ça. Mais Collector Edition, il se vend genre maintenant 500$ grâce aux revendeurs. On vous remercie tous. Ouais. Parce qu'il était comme juste disponible en précommande. Là, mais mais super jeu. Achetez les versions normales, il n'y a pas de souci. Vous payerez pour le DLC, puis ça va vous coûter moins cher que la version deluxe. Là. Mais excellent jeu. Go! Pour toutes ces raisons et le plaisir infini que vous pouvez avoir à ce jeu, je donne la note de 4.5 sur 5. Fantastique. Yeah. Des gros ratings ce soir. Ouais, c'est ça. Mais c'est des bons jeux. C'est des bons jeux, c'est ça l'affaire. Tu sais, tu parlais du château. Ouais. Puis moi, ce que je trouve le fun, puis j'ai réalisé que j'aime ça dans les jeux où est-ce que tu alternes entre deux types de gameplay. Ouais. Où est-ce que tu as les missions, là, c'est comme tough. Puis tu as un autre type de gameplay plus narratif où est-ce que là tu peux prendre ton temps, puis tu peux te promener dans ton château puis parler aux différents personnages de ton équipe et développer leur histoire, développer leur affinité. Ça m'a fait beaucoup penser à Mass Effect, en fait. Ah, tout à fait, le hub là, en fait, le Normandie là, mais je suis d'accord avec toi, tu sais, ce hub là, c'est pas tous les jeux qui sont capables de bien le réaliser, mais celui-là il l'a fait. Puis t'as raison, le changement de pace, tu sais, quand tu fais une mission là, c'est intense, tous tes coups ils ont une répercussion sur ce qui va se passer. Quand t'es là-dedans, t'es comme un peu carefree, tu te promènes, tu parles au monde. Ouais. T'en vas prendre un bain. Moi, c'est ça. Tu t'en vas dans le spa avec du monde, littéralement. Là. Fait que, tabarouette. Il y a des petits trucs, il y a des affaires un peu louches. Là, comme, inceste en plus. Non, mais quand on parle, mettons, je peux te faire venir dans ma loge, si tu veux. What? Attends, puis là, puis sans aucune nudité, là, mais je vais pouvoir te watcher. Fait que tu sais, genre, je vais pouvoir te reluquer, genre, mettons, on se parle puis je vois ton visage. Fait que là, si, mettons, je fais avec mon... je peux baisser puis te checker, genre, le torse, tu sais. Ah ouais. Fait que ça, il y a des affaires louches, tu sais. On sait, il y en a plusieurs qui présentement vont l'acheter juste pour ça, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est, moi, dans ma critique, tu sais, je disais, je trouve que c'est un aspect de dommage et un peu de sexisme à ce niveau-là. C'est vraiment la seule chose qui m'a un peu buggé dans le jeu, c'est un peu cet aspect-là. Mais tu peux watcher Edode aussi, là, tu sais. Non, je sais, mais tu sais, comme le personnage de fille que j'ai marié, tu sais, elle est comme « I love you so much, I'll even learn how to cook for you ». Oui, mais moi aussi, ça, c'est ta servante. Wow. C'est ta servante. Puis là, on le savait tout pas, puis la 90% du monde vont marier leur servante parce que vous allez développer le lien S en premier avec, tu sais. Mais moi, j'étais vraiment en amour avec... une autre fille. Camilla? Non, pas Camilla. Camilla, non, est un peu trop cliché, là, tu sais. Ouais. Moi, j'ai Effie. Ouais, la tough fort. Girl, ouais. Ouais, ouais. Anyway. Jouez à ça, puis vous allez voir. La réalité existe plus. En fait, je dirais même, tu sais, si vous avez aimé Mass Effect, peut-être que vous allez aimer ça, même si c'est pas le même, c'est pas le même type de jeu, mais... Cette alternance entre deux gameplays puis vraiment de développer des affinités entre les personnages puis un jeu qui est très narratif. Ouais. Moi, c'est deux séries que j'adore pour ces aspects-là, même si c'est deux sortes de gameplay complètement différents. Mm-hmm. Puis je me rends compte que c'est vraiment ça qui m'attire d'un jeu quand t'as cette espèce d'alternatif où est-ce que t'as pas juste un type de gameplay. Tu penses que c'est pour ça que je tripe pas sur les jeux comme Street Fighter où est-ce que c'est juste ça que je peux faire. Ouais. Puis là, si je veux faire autre chose, je peux pas, tu sais... on dirait que c'est comme ça me donne envie de jouer à autre chose, tandis que ces jeux là c'est comme là je suis comme un peu tanné de faire l'émission, je vais prendre mon temps à aller parler aux personnages puis tout ça, ça brise le pain, c'est très très intéressant, puis eux l'ont bien réalisé ça. C'est un beau hub là. C'est pour ceux qui travaillent en jeu là. Super beau hub. Bel exemple de hub et de voyeurisme. De tout ça. Et d'affaires très louches. Et, et de bestialité. Et j'en dirai pas plus pour l'instant. Tabarnouche. Oh, Jeff, il s'en vient avec des... Moi, j'ai lu des affaires, je suis comme, oh mon Dieu, le Japon. Bon, fait que... et sur ce... Ouais, c'est ça. Je passe la balle, hein, ou je passe le mic. Ouais. To ya. Ouais. Moi, c'est... Il y a aucun sexisme, aucun voyeurisme... Il n'y a aucun inceste dans c'est mon la jeu. Mais peut-être de la bestialité. Ouais. Peut-être de la bestialité, mon jeu. Ça s'appelle Tembo the Badass Elephant. Oh. Quel nom. Ouais, quel nom. Quel design aussi. Exactement. La pochette est cool. Là. Mais moi, j'ai vu ça, ce jeu-là. J'ai juste vu la pochette, j'ai juste vu le bonhomme, puis j'ai tout de suite voulu l'acheter. Puis j'avais oh un beau photobomb, c'était malade ça, Mario. Ouais, les cams sont proches ici chez Young Media. Mais non, c'est ça. En fait, dans Tembo là, t'es un éléphant. Puis cet éléphant là en fait, c'est un ancien guerrier, il a fait le Vietnam chose, il a tout fait, il a vu plein des affaires. Ouais, c'est un éléphant. Mais c'est un éléphant badass qui se bat avec l'armée. Puis le début commence un peu comme Commando, man. Ah ouais? Ouais. Que là, t'étais sur ton île, puis tu t'entraînais, puis t'étais avec ta petite femme. Puis là, finalement, ton général vient te rechercher. Il fait comme, fuck, mais on est vraiment dans le mal, Tembo. Faut vraiment qu'il vienne nous aider. Comment il marche? C'est écœurant. Ça marche, c'est génial. Puis Tembo, c'est un genre... C'est fait par Game Freak, mais c'est publié par Sega. Puis c'est très Sega-esque comme jeu parce qu'il y a quand même un semblant de ressemblance avec Sonic, mais moins rapide. Ah ouais. Dans le sens que là, dans le gameplay qu'on voit, il marche, mais il est plus... dans le jeu, on va plus souvent défoncer des affaires, puis courir, puis sauter un peu partout. Puis Tembo, c'est un peu ça qu'il fait, c'est qu'il va courir pour défoncer des affaires, Il va aussi sauter sur des éléments. Tu sautes, tu fais comme un butt smash. puis aussi, tu vas ramasser des cacahuètes, tu vas ramasser des affaires. Mais principalement, ce que tu fais, c'est juste défoncer puis détruire tout le monde. Fait que c'est comme un runner, mais en même temps, c'est un platformer. Puis en même temps, c'est comme un jeu de guerre. T'sais, y a des combats là-dedans. T'as des boss là-dedans, du monde qui vont te tirer, tout ça. Fait que t'as des espèces de petits soldats qui servent pas à grand-chose, que tu vas pouvoir juste pouvoir les faire envoler dans le décor. Mais il y en a d'autres qui vont se venger, qui vont te tirer dessus, va falloir que tu les esquives, tout ça. Il y a aussi des obstacles qui vont être plus difficiles que d'autres. Puis aussi, durant tout le jeu, dans tous les tableaux, il y a 10 otages à sauver qui se retrouvent dans des espèces de cabines vertes. Puis eux autres, va falloir que tu ailles les trouver. Ils sont dissimulés un peu partout dans le niveau. Puis il va falloir que tu ailles les chercher. D'ailleurs, le design de niveau est excellent dans ce jeu-là. C'est vraiment très bien fait. Puis je pense que peut-être même les concepteurs de Sonic pourraient peut-être en prendre un peu de note de ce jeu-là. Ah ouais. Qui est comme un petit jeu en téléchargement. C'est digital seulement, mais il y a comme un meilleur rythme que Sonic, en fait. Ah ouais. C'est que les endroits où tu dois t'arrêter pour faire des affaires, puis où tu dois pas juste courir partout puis foncer dans tout, ben justement, le tableau est fait en sorte que ça va t'arrêter. T'es pas obligé de passer tout droit. Dans Sonic, ce qui arrive souvent, c'est que tu cours, tu dis « Hey, c'est malade, je cours! » Puis là, tu veux pas perdre ton momentum, puis tu perds plein d'affaires dans le niveau. Ça te dit après ça, « Hey, t'as eu comme 20 rings sur 600. » Mais tu sais, là-dedans, ils sont capables de t'arrêter au bon moment puis de donner du momentum au bon moment aussi. Fait que t'as autant de rapidité que de lenteur dans ce jeu-là. Puis il y a des boss dans ce jeu-là. La façon que c'est fait, c'est que t'as comme... t'as en fait à peu près 12 niveaux. Les niveaux prennent environ entre 20 minutes et une demi-heure à terminer. C'est quand même des longs niveaux. Il y a des checkpoints dedans. Puis tu vas te promener un peu partout dans ce niveau-là. Tu vas débarrer des affaires. Tu vas avoir des minuscules puzzles. Les puzzles sont vraiment pas compliqués. C'est pas un jeu qui est très difficile non plus. Mais c'est ça. Tu vas parcourir les niveaux puis tu vas avoir un boss à la fin, de tous les mondes, en fait. Puis les boss, bon, c'est ça, ça prend tout le temps une certaine technique pour les battre. Fait qu'il faut quand même que tu réussisses à trouver qu'est-ce qui cloche dans ce boss-là pour pouvoir le battre. Puis les ennemis deviennent de plus en plus difficiles au courant des niveaux. Fait que moi, ce jeu-là, c'est vraiment un jeu qui m'a fait triper parce que c'est le meilleur jeu à jouer quand tu viens de jouer à un AAA, je trouve. Tu sais, la passe où tu joues à un AAA avant d'aller te coucher. Là. Mm-hmm. Puis là, t'es fatigué, mais... Ouais, je sais pas, tu auras peut-être un autre 10 minutes. Ouais. Ça, là, c'est vraiment l'idéal. Là. C'est parfait. C'est un jeu que je verrais bien sur une console portable. Mm-hmm. Là. Ça se ferait très bien, je pense. Mais je pense que c'est ça. Tembo demanderait un trop gros processeur pour pouvoir le faire parce que des fois, tu défonces tellement d'affaires à l'écran. C'est en même temps, en fait. Là. C'est ça. Ça revole partout. Fait que je pense que ça serait impossible à recréer sur une petite console de rien du tout. Mais c'est ça. Bref, un jeu sorti de nulle part dont on parle pas vraiment souvent. Il a été en spécial, malheureusement, la semaine passée. Après que tu l'as payé plein prix. Ouais. Puis il est plus en spécial cette semaine, mais je te dis, même plein prix, ça vaut vraiment la peine. C'est un jeu de qualité. Côté graphisme, moi, ça me fait vraiment penser à voyons, Colin. Je le trouvais pas. J'ai critiqué ce jeu-là à Rétro Nouveau. C'est un petit bonhomme qui frappe avec une clé de sol. Puis c'est un jeu qui était fait par la compagnie des Pokémon. Game Freak. Sur 3DS, ouais, Game Freak. Fait que Game Freak, c'est la compagnie des Pokémon. Ouais. Ah ben, Christy, c'est eux-mêmes qui c'est l'ont les développeurs, fait. Mais ouais, c'est ça. T'as de Pokémon Company, mais t'as Game Freak. C'est ça, le jeu que je cherchais, c'est Armored Knight. Ok. Puis c'est vraiment le même style graphique, c'est vraiment cool. D'ailleurs, moi, ils pourraient sortir n'importe quoi, eux autres, je pense que je les encouragerais. C'est vraiment beau, c'est vraiment bon. Fait que c'est ça. Peut-être que son seul défaut, en fait, ça serait que c'est un jeu qui est quand même pas si long que ça. Mais c'est un téléchargement. Fait que c'est à peu près, je pense, il est 13$. Fait que c'est ça. C'est pas très cher. Puis ça vaut vraiment, vraiment la peine. C'est un jeu coloré. C'est un jeu qui est classé l'été, mais moi, je considère que c'est un jeu qui est pour tous parce que c'est de la... Tu sais, il y a de la violence, mais cartoon. Comme tu tues personne. Bugs Bunny et Elmer Fudd, mais c'est ça, exact. Puis en fait, t'es écrases pas, tu sais, t'y revoles un peu partout dans le tableau. Fait que c'est correct. Tu sais, il n'y a rien là. Fait que c'est ça. Bref, Tembo, je lui donne un beau 4 sur 5. Puis je trouve que c'est un essentiel à avoir sur ta machine. Ça, ça a l'air vraiment le fun. Là, c'est super ça. Le fun. C'est juste, c'est ça. Tu sais, on parle beaucoup souvent des jeux que. Bon, là, faut que tu t'occupes de ça, faut que tu t'occupes de ça. Non, là-dedans, c'est fonce avance. Dans le temps, puis ouais. C'est tout ce que tu as besoin de ça savoir. Ça fait penser un peu les Wario, tu sais, les. Oui. Les... Mais en plus rapide. Le, oui, le Wario qui Wario avait. Move It, je pense aussi, qui avait eu sur la Wii, que j'ai vraiment, vraiment aimé. Ouais, là. Toi, tu dis, tu passes au travers les murs, là. Oui. Mario qui tâche, là. Oui. Ouais. C'est le fait que Wario, oui, c'est ça, c'était, c'est la Wii. Mais sur la Wii, ouais. Il poussait ce concept-là okay. Encore plus loin. Je pense que c'est Wario Move It ou une okay. Affaire de même. Ouais, ouais, ouais. C'était vraiment, vraiment bon. Puis ça, c'est vrai que ça fait penser un peu à ça. Mais tu sais, défoncer des buildings, c'est tellement le fun. Mais dans le chat aussi, il y a Kevin Doré et Michael LaRouche qui disent que ça ressemble à Donkey Kong Country aussi, une petite inspiration. Oui, c'est vrai. Ouais, le rhino, ouais. Les pinottes que tu ramasses, il y avait des barils tantôt quand tu étais dans le désert. Il y a un petit look qui rappelle Donkey Kong. C'est vrai, Country. Ça. Oui, puis en plus, ben c'est ça, entre les niveaux, quand tu crèves, tu manges un gros pot de beurre de pin. Oh! Fait que c'est ça, peut-être qu'ils ont cherché une twist et ont fait ah, Donkey Kong Country, bon, nous autres, on va être un éléphant puis du beurre de pin. Des pinottes. Nice. Fait que sur ça, je pense qu'on va aller en pause. Ouais. Et puis après ça, toi, tu nous reviens avec des fun facts. Oui. Puis après ça, 5 autres critiques plus 4 critiques express de jeux rétro. Ouais. Oh, yeah. 100% critiques ce soir. 100% critiques. Fait qu'on fait une pause, puis on vous revient. All right. Tantôt. Bon, allons-y maintenant avec les fun facts. Donc, cette semaine encore, 5 petits faits inusités et affaires bizarres que j'ai trouvées sur le web. Premièrement, on va vous faire un petit peu d'informations. Reconnaissez-vous cet homme? Non. Son nom est Gunpei Yokao. Ce gars-là est le créateur du Game Boy et des systèmes Game & Watch. Puis c'est également l'inventeur du D-pad. Ah. C'est lui qui a créé le D-pad. En fait, pourquoi j'en parle de lui, c'est parce que ce gars-là est engagé par Nintendo en 1965 pour être concierge. Ah, ouais. Lui, il faisait la maintenance sur les machines d'assemblage de manufacture des cartes Hanafuda dans le temps. C'était des cartes à jouer. Là. Ouais. Ouais, ouais. Le président de Nintendo à l'époque, Hiroshi Yamauchi, l'a vu jouer avec un bras extensible. L'affaire que vous voyez à droite, là, lui, il a créé ça dans son temps libre. C'est une genre de pince à une affaire que tu vas. Pince à deux mains. Là, c'est une pince à ressort. Tu peux aller pogner des affaires sur le comptoir avec ça. Il avait conçu pour son propre amusement, lui. Ça s'appelle le Ultra End. Ils en ont produit en masse pour le Noël de 1965. Puis ça a été un franc succès. Des ventes de plus d'un million d'exemplaires. Fait que ce gars-là était comme un précurseur du jeu un peu. Il a eu l'idée pour le Game Boy envoyer un homme d'affaires s'emmerder en pesant sur sa calculatrice pendant qu'il attendait un avion. Fait qu'il s'est dit, moi je vais faire quelque chose qui va être deux fois plus gros qu'une montre, mais qui va s'amener partout et que les gens vont pouvoir s'amuser avec. C'est un génie ce gars-là. Ouais, il a aussi supervisé Miyamoto pour Donkey Kong, Mario Bros. C'est lui qui a suggéré le multi dans le premier Mario. Ah, ok, ouais. Ben oui. Ah, ouais. Il a également produit Kid Icarus et Metroid. Il a fait également le design de Rob et du Virtual Boy. Quoi? Ouais. C'est comme. Puis après avoir produit le Game Boy Pocket, il a fondé sa propre compagnie externe qui s'appelait Koto. Puis il a également travaillé, le Dom serait content, sur la WonderSwan de Bandai. Ah ouais. Wow. Belle petite console. Fait qu'un gars vraiment important, pas très connu du public en fait. Là, oui. Il a traversé les époques de Nintendo, lui, ce gars-là. Est-il décédé, Gunpei? Il est mort dans un accident d'auto dans les années 90. Ah, lui, malheureusement. Respect Gunpei. Mais ouais. Respect. C'est une légende. Yes. Pour mes deux prochains, fun fact, bon, les gens dans le chat me réclament des affaires pas propres et pas de classe vu que Dom est pas là, faut pallier un peu à son absence. Fait que, ben là, il y a une affaire que Nick m'avait parlé que j'avais en réserve depuis un petit bout. On va parler de Birdo. Ouais. Ah, Birdo. Birdo qui est le genre de Yoshi Rose dans Mario 2 qui lance des œufs. C'est un personnage en crise d'identité, ça. Au Japon, on l'appelle Catherine aussi, ce personnage-là, ou Kasarin. Kasarin, ouais. Catherine. Dans, là, on voit en haut, il y a une petite image avec une description qui s'appelle Ostro. Ça, ça vient du guide de Doki Doki Panic, qui est dans le fond Super Mario 2 avant Super Mario 2. On le décrit comme un mâle qui se prend pour une femme qui aimerait se faire appeler Birdetta. C'est pour ça que lui, il a des œufs, mais il pitche ses œufs par la bouche. C'est comme juste une parure, dans le fond. Il voudrait pondre des œufs, mais il n'y a pas de système. Il n'y a rien. Il n'y a pas de système. Fait qu'il se travestit en femme, puis il pitche ses œufs par la bouche. Puis quand Nintendo ont republié le jeu, ils ont enlevé cette info-là du guide. Fait que des fois, ils disent que c'est une femelle. Dans Mario Tennis, ils disent que c'est la blonde à Yoshi. Des fois, comme dans le jeu Captain Rainbow, ils considèrent que c'est un mâle. Fait que c'est un peu bizarre, ce personnage-là. Il n'y a pas de vraie définition. C'est ça, parce qu'il n'y a pas de boucle non plus dans Mario Bros. 2. Non, c'est vrai. Il y a des fossiles, par exemple. Il y avait déjà des fossiles à l'époque. Ou des cils, on ne sait pas. Mais c'est ambigu, ce personnage-là. Plus on creuse les fun facts de Nintendo, plus on je me rends compte que c'est bizarre, l'univers de Mario Bros. T'sais, c'est des acteurs, ça c'est un travesti. Ouais. C'est weird ce qu'il y a en arrière là, quand tu creuses vraiment loin. Ouais, c'est notre enfance, ça. Ben oui. c'est notre enfance, ça. C'était tout un rêve. Fun fact numéro 3, maintenant on va parler de Fire Emblem. Ouais. Là, tantôt, tu parlais de censure, Nick. J'ai noté deux affaires qui ont été censurées dans la version nord-américaine, dans le fond. Premièrement, ils ont enlevé la mécanique avec des animaux. Tu pouvais, comme, cajoler ton animal avec le stylet. Mais ça a l'air que ça devenait vraiment creepy de le faire. Puis tu pouvais cajoler à des endroits que tu n'étais pas supposé cajoler. Ah, si bon. Ça donnait un aspect vraiment trop sexuel au jeu, selon ce que j'ai lu. Fait... Ça, c'est plus pantoute dans le jeu, là. Ou... Non, cajoler... c'est ça. C'est vrai que tu peux, comme... Bandé en gros guillemets là, de bandé ouais je sais pas comment dire en français là, avoir un rapport là avec ton mais ben, je sais pas mieux ce que je dis là non plus là mais développer des affinités de ça c'est là, mais avec les animaux avec tu parles des partenaires là avec des animaux ok ouais c'est weird parce que tu peux encore bandé avec tes partenaires présentement dans le jeu mais tu peux rien faire vraiment okay. Tu dis ça bande là il y a un petit cœur qui apparaît puis ton stylet te sert à rien mais ça va l'air que c'était un peu creepy là probablement une bonne chose que ce stylet soit mais je suis sûr que c'était creepy c'était un souhait ça mais d'ailleurs juste une note là il y a des fois où ta 3DS va te demander de souffler dans le la 3DS parce que ta femme sort du bain mais elle est pas dévêtue mais elle veut juste que tu la sèches. Ah, si! Mais quand on est là, moi, j'étais dans le métro, puis j'ai regardé tout le monde. Ça m'est arrivé dans le métro. Puis là, elle dit, prochaine fois, souffle plus fort. Je suis comme, quoi? Oh non! Oh my God! Creepy. Ça, c'est drôle. Non, mais ça me fait rire. Oh, oui. Oh, oui, il y a des choix de mots aussi, genre... En anglais, c'est... Tu comprends que là, ils ont peut-être couché ensemble. « Your relationship has deepened. » Une relation profonde. Ah, c'est ça. « I don't know how to act romantically. Was I okay? » Ça, c'est le genre de commentaire que tu vas avoir dans le jeu. L'autre affaire qui a été censurée pour Fire Emblem, c'est l'utilisation de drogue à des fins homosexuelles. Il y a une femme qui aime les autres femmes là-dedans, mais que quand tu lui donnes cette drogue-là, elle voit les autres femmes comme des hommes, fait qu'elle couche avec les femmes, puis ça donnait quelque chose, mais ils l'ont complètement enlevé, ça, dans la version US. Ouais. J'ai pas réussi à trouver une vidéo de ça. C'est ce que j'ai lu, là. Je peux comprendre qu'ils ont enlevé ça. T'sais. Ouais, hein. Peut-être même plus que l'affaire des animaux, ça, en fait. Là. Mais tu sais, c'est une ouverture sur le monde, en fait. Ils sont ouverts à tout, ce qui est fantastique, mais je sais pas comment ça va être reçu par les jeunes enfants. C'est pour ça qu'il est classé teen. Là. Ils ont fait beaucoup d'ajustements pour aller chercher teen. Puis dans le fond, moi, je suis plus à l'aise de jouer un jeu qui a pas les features que t'as parlé. Ça serait embarrassant d'en parler en public s'il était là encore. Attends, jeune homme, es-tu assez mature pour titiller l'anus de ton chat avec ton stylet? Ah, mais c'est tout croche. Ça, c'est dans Nintendo 4. Nintendo 4. En numéro 2, un personnage qui revient souvent dans les fun facts, évidemment, Kasumi. Là, je parlerai pas d'elle en tant que telle. C'est que y a des hackers qui avaient trouvé une façon de rendre Kasumi nue dans Dead or Alive 2. Ouais. Ah ben oui. Puis ils ont été traînés en cours par Tecmo pour 2 millions de dollars. Mais ce qui est fantastique, c'est la raison du procès. La raison qu'on a donnée pour la poursuite, c'est violation de la dignité d'un personnage de jeu vidéo. Oh, come on! Puis ils ont gagné avec ça, là. Ils ont gagné. Ils ont gagné, en plus. Comment tu peux violer la dignité d'un personnage qui n'existe pas, qui est c'est fictif, tout non, est fictif. Non, comment tu peux... Tu sais, eux autres, ils ont volé la dignité de tous leurs personnages, de toute ben façon. Oui, c'est ils sont à moitié à poil. T'as raison. Tu sais, c'est ça. Ils font des jeux, je n'avais... Des jeux de simulation avec les seins qui bouncent, puis... Et non, eux autres, là, c'est du front tout le tour de la tête. Aïe, aïe. Mais ils doivent tellement avoir quel... d'avocats que... Ah, quel pays, ça? C'est au Japon. En fait, c'est au Japon. J'ai pas vu. Ouais. Oui, il avait été hacké, en fait, là. Okay, mais okay. Ça doit être au Japon, ça. Caline. Puis ils ont travaillé tellement fort, les jeunes gamins, à faire ça. Ah, il y aurait des engagés à la place des poursuivis. Ben oui, exactement. Ah. Christy, mettez-les de votre bord. Enfin, un DLC payant. Ben oui. Ils auraient fait leurs frais. Puis le numéro 1 de mes fun facts cette semaine, on va parler de Space Invaders. Tomohiro Nishikado, qui est le créateur de Space Invaders, s'est rendu compte en développant le jeu que le processeur laguait vraiment moins quand il y avait moins d'ennemis à l'écran. Fait qu'au lieu de corriger ça puis de compenser, lui, il a laissé comme ça son jeu. Fait que lui, il a potentiellement inventé la difficulté incrémentale des jeux vidéo. Parce que scaling, plus t'avances, genre. Ouais, ça scale, puis plus t'avances, plus c'est dur, puis c'est lent. Puis c'est uniquement une limitation du processeur qui a causé cette feature-là, mais lui, ça a fait que son jeu est devenu incrémentalement difficile. C'est donc bien cool, ça. C'est vraiment cool comme fun fact, ça. C'est pas pire. Ah oui. C'est vraiment... Le difficulty scaling était une limitation ouais. logicielle qui a été mise là par erreur, tu sais, c'est... Wow. En fait, lui, il s'est rendu compte que ça faisait ça, mais il a fait « Ah, oh, je vais laisser ouais. comme ça, c'est cool. » Tu sais, ça va devenir difficile plus t'avances, fait que le monde, ils vont avoir de la difficulté rendu plus loin avec plus d'ennemis. Ouais. Fait que... Ben, d'ailleurs, justement, c'est en lien à ça, j'imagine que vous le savez déjà, vous travaillez dans le domaine, mais un bug, pourquoi ça s'appelle un bug dans un ordinateur? C'est parce que initialement il y avait vraiment des bébites dans une la machine. Les gens se brûlaient dans un circuit avec d'autres gens, puis ça faisait... C'était un bug. C'était un bug, fait que c'était un vrai bug, puis c'est pour ça qu'on a appelé ça un bug par la suite. C'était tellement chaud, genre, qu'il brûlait sur le vide. La belle époque. Ah, la belle époque. Fait que ça fait le tour des fun facts pour cette semaine. Hey, c'était fantastique. C'était fort, ça. C'est toujours de plus en plus difficile de faire de la recherche, mais ça me donne accès à des trucs comme celui de Space Invader. Ça me force à fouiller puis à trouver des trucs intéressants. C'était super cool. Vraiment, là, du beau stock là-dedans. Fait que là, il nous reste 5 critiques et 4 rétro express après qu'on va faire. Fait qu'on va enchaîner tout de suite. On va enchaîner. Et c'est Mario qui va enchaîner avec un jeu fort intéressant. Alors, je vais vous parler de Missing, an interactive thriller, ou je pense que c'est Missing en suspense interactif. Parce qu'en fait, c'est un jeu développé par un développeur québécois qui s'appelle Zendel Media. C'est un jeu d'aventure en vidéo. J'hésite à utiliser le terme full motion vidéo parce que je pense qu'aujourd'hui ça s'applique plus du vidéo, c'est automatiquement full motion. donc ça rappelle, oui, un peu les jeux dans les années 80. Ouais, c'est dans les années 90, mais donc ça met en vedette Patrick Yvon et Roy Dupuis. Donc, sérieux? Ouais. Ben, oui. C'est comme gros budget d'acteur. Là, donc, si c'est des. Si j'aimais ça un peu le. Une fiction québécoise. Peut-être que vous pouvez essayer ça. C'est disponible sur Steam et sur iOS et Android. Attends, donc, vous pouvez le downloader sur votre téléphone. Pas de Sega CD? Non, pas de Sega CD. Dommage. pas de 3DO, me semble. Ça serait bien en paquet avec Night Trap, quelque chose? C'est ça. C'est plus facile à jouer que Night Trap. Puis au fond, c'est on joue principalement Patrick Yvon qui s'est réveillé dans une espèce de place... industriel, une espèce de shop abandonné. Puis on va alternativement jouer aussi Roy Dupuis qui est un enquêteur qui en fait il essaie de le trouver. Ok. Puis on sait pas trop pourquoi le personnage de Patrick Yvon il a été enlevé. Puis le jeu il commence comme on voit les images là, c'est que tu te retrouves dans une pièce, puis là il est comme attaché avec des menottes, puis là, au fond, c'est un peu comme les escape rooms. Si vous avez fait c'est la même chose. Là. Moi, j'en fais énormément des escape rooms avec Ellie de ce temps-ci. Puis c'est ce qui se rapproche le plus d'un feeling d'un escape room. C'est ça, sauf que la seule différence, c'est que t'as pas un élément de temps dans celui-là, mettons, par rapport à un escape room que t'aurais une heure pour sortir. Lui, t'es lousse, puis t'as le temps de répondre à tes énigmes. Là. C'est ça. Donc, c'est quand même un jeu relax. Tu joues. C'est pas un gros challenge quand même, mais tu sais, il y a des puzzles intéressants. Comme le premier puzzle, tu sais. Il y a un petit puzzle à résoudre sur sa menotte. Puis là, tu sais, t'as les bouts de vidéo. Puis là, à un moment donné, c'est une séquence qu'il faut... Comme là, on va le monter parce que ça dérange pas. Là, ça, c'était très simple. Tu sais, t'as le bout de vidéo. Puis à un moment donné, ça affiche. Puis là, t'as un bout où est-ce que là, tu vas être à première personne. Puis là, tu peux explorer ton environnement. Puis là, quand finalement, tu unlocks quelque chose, tu passes à la prochaine vidéo. L'histoire continue. Okay. Puis... tu sais, il y en a eu des jeux comme ça qui étaient vraiment pas réussis, où l'acting était poche, la réalisation était poche. Là, la réalisation est superbe. L'acting est superbe, ça fonctionne. La transition entre les moments de vidéo puis les moments d'interaction, ça fonctionne. C'est vraiment... Okay. C'est très... Mais toi, t'as joué sur quelle plateforme? Moi, j'ai joué sur Steam. OK. Puis je l'ai essayé... Moi, j'ai joué sur iPad. J'ai essayé un petit peu sur Android, puis ça va super bien aussi. OK. Puis là, tu ramasses aussi des items, puis t'as comme une liste d'items. Puis comme là, tu sais, il a ramassé une clé, puis là, il a pu mettre la clé. Tu prends la clé dans ton item, puis tu peux le débarrer l'autre menotte. Amani, il y a carrément un mot caché à faire. Mais avant de faire le mot caché, il faut que tu trouves le marqueur. Puis là, tu peux carrément glisser le marqueur sur le mot caché qui va te permettre de trouver un mot qui ensuite peut débarrer un cadenas, parce que c'est un cadenas avec des lettres. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment des puzzles comme ça où est-ce que tu dois trouver des items puis utiliser ces items-là pour sortir d'une pièce. Ou à un moment donné, il y a un puzzle avec des valves. Là, il faut que tu trouves les bonnes valves. Puis là, il faut que tu tournes de la bonne façon pour amener la pression de façon à ouvrir de quoi. Puis, donc ça, tu sais, si vous aimez les puzzles, ça n'insère, tu sais, c'est pas de la difficulté de miss, là, on s'entend. Mm-hmm. Les puzzles, là, c'est, tu trouves la solution quand même assez rapidement, mais c'est le fun si vous aimez les fictions un peu interactives, parce que vous vous cassez pas trop la tête, un petit peu, juste assez, puis, c'est ça, tu sais, ça marche vraiment bien. L'exécution du jeu est vraiment très réussie. L'intégration vidéo plus les cutscenes que tu joues dedans, là, c'est fluide. Puis parce que c'est assez rare maintenant, des jeux comme ça. Ouais, puis il devrait. On dirait qu'il y a une recrudescence. Tu sais, les stories, il y a ça. Tu sais, je sais pas si c'est assez pour dire qu'il y a un mouvement, là, mais, mais c'est plus que dans les 5 dernières années, tu sais, que j'ai vu, là, en peut-être moins d'un an. Là, fait que... Ça prend combien de temps à peu près finir le jeu? Le jeu est vraiment pas long. 30 minutes. Ça, c'est le seul. C'est un jeu épisodique, je pense. Ouais, c'est épisodique. Puis là, il y a juste un épisode qui est vraiment pas long. J'ai écrit à l'équipe savoir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Puis ils m'ont dit qu'ils sont en attente de financement, en fait, pour les autres épisodes. Okay. Mais je pense qu'il y a vraiment une place pour ça. Surtout au Québec, où est-ce qu'on a vraiment une expertise de vidéo puis de cinéma. Ben oui. Puis c'est plate, mais il y a de moins en moins d'argent en cinéma puis en télé. Mais il y a de plus en plus de fonds, comme le Fonds des médias du Canada, qui finance ce genre de projet-là. Ça fait que ce que je trouve le fun, c'est que c'est un jeu, mais tu vas aller engager quand même des... tu as besoin d'un directeur photo, tu as besoin d'un réalisateur, tu as besoin d'un monteur, tu as besoin des acteurs. Ben oui. Puis ça fait que c'est vraiment ces deux univers-là qui viennent ensemble. Puis ils ont vraiment bien fait d'aller chercher, en fait, Roy Dupuis, Patrick Yvon, parce que c'est des visages connus. Mm-hmm. Puis là, tu peux... Tu sais, quelqu'un qui va pas nécessairement aimer les jeux vidéo, mais que... ta tante Roy Dupuis, tu lui dis, hey, essaye ça sur ton iPhone. On le voit pas beaucoup, Roy Dupuis, dans le premier. Non, c'est ça, on le voit pas beaucoup. On voit beaucoup Patrick Yvon, puis il est très très bon, Patrick Yvon, dans ce rôle. Puis d'ailleurs, tu peux, il y a version française et version anglaise. Oui. Par contre, il faut que tu changes la langue de ton appareil. OK. Moi, au début, j'ai joué en anglais parce que je cherchais l'option de mettre en français dans le jeu, je la trouvais pas. Finalement, c'est parce qu'il faut que tu changes. J'imagine dans Steam, il faut que tu changes que le fait que Steam soit en français. Si sur ton téléphone, il faut carrément que tu mettes ton téléphone en français. Puis là, les dialogues parlés vont être en français. Okay. Tout va être écrit en français, à part comme les trucs qui étaient écrits sur le mur. Ça va pas changer là, parce qu'au fond, ils ont juste. Ils l'ont tourné une fois. C'est ça. Il y a juste certains plans. En fait, il n'y a pas beaucoup de dialogues. Quand même, il est tout seul, Patrick Yvon. Ça fait que, il va dire ouvrez-moi la porte. Ils vont juste. Sûrement qu'ils ont juste ces plans-là qui ont fait une fois en français, une fois en anglais. Puis c'est ça. J'ai eu du fun. Puis ça m'a fait. Hey, moi, je suis dans le milieu du cinéma. Puis j'ai fait comme. Qu'est-ce que j'ai envie de faire un truc comme ça? Ça m'a donné envie de. Puis c'est la preuve que tu peux le faire d'une façon techniquement qui est bien fait, puis qui fonctionne, puis que ça va pas nécessairement être cheesy. C'est pas une gimmick, ce jeu-là. Non, ça fonctionne pour vrai. Là. C'est très, très bon. Là. Puis donc, c'est ça. Donc, si vous aimez les escape rooms, puis vous en voulez en essayer un version virtuelle, c'est fait pour vous. Si vous aimez les jeux de puzzle aussi, c'est fait pour vous. Puis si vous aimez Patrick Yvon et Roy Dupuis, c'est fait pour vous. On vous regarde le club de Patrick Yvon. Ça fait que j'ai donné un 4. La seule raison que je ne donnerais pas une note parfaite, c'est que c'est ça. C'est un peu court. Puis, ben, c'est principalement pour ça. Ça se, ouais. finit, ça se finit très rapidement. Mais c'est puis, ça, même, même sur YouTube, il y a beaucoup plus de promos comme ça maintenant où tu commences. Puis là, c'est qu'est-ce qu'on fait? Je m'en vais par la porte, ouais. Je fais ci, je fais ça. Ouais. Fait que ça, c'est quand même intéressant sur YouTube. Je vois pas pourquoi ça se fait pas en jeu vidéo. Mmh. Là. Parce qu'il y en a pratiquement pas, pourtant. La porte est grande ouverte. Mais tu sais, c'est ça, c'est parce qu'on s'entend. Le souvenir qu'on a, là, c'est un beau souvenir de nostalgie, mais tu rejoues à Phantasmagoria ou Sewer Shark. Ouais, ça, j'avais pas Beast joué. Witten, ouais, j'avais joué à celle-là. C'est ouais, dans fait, le même style. Tu sais, c'est toutes des affaires, puis tu te dis, ah, c'était malade dans le temps. Là, tu rejoues, c'est comme, hey, c'est quoi ma résolution? 128 par quoi? Ouais. C'était tout petit, c'était techniquement c'était pas encore là. Là, les moyens techniques, c'est là, puis ce que j'ai vu à l'écran, ça a l'air d'être d'un film que tu joues. Pis, exact. Puis tu sais, il y en a des trucs qui sont comme j'ai l'impression je sais pas probablement soit photo, computer generated 3D, ou ouais, c'est ça, ou encore là, tu sais, fait que mais ça marche, ça a l'air c'est, vrai. C'est top. Ouais. T'as puis, des quick action que t'as pas parlé aussi, mais des fois tu cours, puis t'as une affaire qu'il faut que tu pèses rapidement à l'écran pour éviter quelque chose. Fait que, ouais, des quick time events, un peu comme un jeu de Telltale, dans les petits mots d'action où est-ce que il y a un truc qui explose, puis il faut que tu pèses au bon moment. Tu sais, à Mané, ça j'ai trouvé ça drôle. Roy Dupuis est dans sa voiture, puis là il a son café, puis là il faut que tu cliques pour qu'il boive son café. C'est... Ouais, il l'échappe, je pense. Ouais, ouais. Puis ça, tu sais, ce que je trouve bien avec ça, c'est que. Tu sais, tu pourrais dire, ok, ben c'est un peu inutile, c'est gimmick, mais en même temps, c'est que ça te garde. Ça rend ça immersif. En ouais, fait. C'est vraiment plus interactif. C'est vraiment, tu sais, tu écoutes un film, mais ça garde ton attention. Ouais. Tu sais, dans un film, tu peux devenir passif, tandis que là, c'est comme ça garde ton attention. Tu sais, il aurait pu juste faire le geste de boire son café, t'as pas besoin de le faire. Puis, tu sais, ce qui a évolué aussi par rapport à ce que l'industrie était dans les années 90, c'est qu'aujourd'hui, tu peux te permettre de faire des jeux narratifs qui sont pas un challenge. Le paradigme de qu'est-ce qui est un jeu vidéo a beaucoup changé. Ouais. Dans le temps, ok, il faut que tu aies des mécaniques, des gameplay, il faut qu'il y ait un challenge, il faut que ce soit difficile, faut que tu puisses perdre. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Tu n'as plus besoin d'avoir des jeux où est-ce que tu dois perdre, où est-ce que tu dois performer. Mm-hmm. Ouais. Puis ça aussi, ça aide à faire des jeux comme ça en vidéo. Que le gameplay est super simple, puis c'est correct. T'sais. C'est plus des expériences, en fait. C'est là, que, exact. Mais en fait, que le challenge du jeu lui-même. Ouais. Je dirais que avant le jeu vidéo, c'était des jeux vidéo, c'était des jeux. Puis aujourd'hui, le jeu vidéo est un médium où est-ce que tu vas avoir toutes sortes d'expériences différentes. Puis c'est ça qui est bien aussi. C'est bien qu'il ait fait ça sous forme d'application. Que tu peux vraiment avoir sur Steam ou sur le Google Play ou l'App Store, contrairement à des trucs interactifs qui ont été faits au Québec dans les dernières années, où est-ce que c'était sur ton browser, puis là c'était lourd, puis c'était pas nécessairement intéressant, puis que finalement, tu sais, c'est comme, oh, c'est cool, on a sorti ça, et il y a quelques gens qui vont aller dessus le jour de la sortie, puis qu'après ça, on s'en calisse, tandis que là... Ben, c'était souvent pour promouvoir d'autres choses aussi, fait que c'est pas... Tandis que là, c'est comme, tu t'en vas directement sur le marché du jeu vidéo, puis tu vas chercher d'autres gens, tu sais, puis t'amènes d'autres gens aussi. Ben c'est parce que aussi c'est un genre qui a pas été touché tant que ça. Fait que tu sais des clones de Flappy Birds, il y en a en masse là, mais ça, il y en a presque pas. L'exemple parfait. On a jamais fait de la critique d'ailleurs. Flappy Bird. Je l'ai encore sur mon téléphone. Nice. Puis tant qu'à avoir une expérience qui est juste interactive, ben je me dis, c'est mieux avoir des acteurs qui vivent une vraie performance que finalement regarder des personnages en 3D. Puis que finalement, ça change rien parce que c'est juste une histoire interactive. Ben, les émotions sont pas les mêmes non plus. Tu n'as pas le même fini. Ouais. Comme moi, j'ai vraiment... Il y a Until Dawn que j'ai commencé, mais que je suis vraiment loin d'avoir fini. Mais ce genre d'histoire-là, l'histoire est super bonne, c'est vraiment bien apporté puis tout, mais ça serait le fun que ça soit en vrai à place, tu sais. Je me verrais bien justement jouer un film au complet de même à place nécessairement de l'écouter, tu sais. Ça remonte justement aux années 90, des point Power. And click. Ben moi, il y avait un jeu, entre autres, que j'avais vraiment trippé, puis c'était le jeu des X-Files. sur ordinateur. J'ai pas joué. Les années 90 à peu près. Puis c'était vraiment, tu sais, tu pouvais naviguer dans toute la pièce, puis regarder qu'est-ce qu'il y avait, puis cliquer sur à peu près tout, puis il se passait de quoi sur toutes les affaires sur lesquelles tu cliquais. Ça, c'était intéressant. T'sais, c'était tout le temps comme une photo, puis il y avait des scènes entre les photos, mais c'était quand même intéressant. T'sais. Maintenant, on a tout le temps recours au 3D, mais ça serait intéressant que ça revienne. Mm-hmm. Fait que... Prochaine critique est encore Mario. En ouais, plus, mais là, je pense qu'on va switcher, toi okay. puis moi, pour okay. que ça soit pas Mario Mario. C'est bon. Fait que ça Mario va être, Mario, comme dans le film. Ouais. Fait que là, ça va être... ouais, Bruno, Nick, Mario... Vas-y. Ok. Moi, je vais vous parler de la réédition de Legend of Zelda Twilight Princess, qui est le Twilight Princess HD, qui est maintenant sur Wii U. C'est un jeu qui était originalement sur GameCube et puis qui a été sur la Wii. C'est ça, tu sais, c'est... Ça, en fait, c'est vraiment... C'est une nouvelle façon de jouer à Twilight Princess pour ceux-là qui ont joué sur Wii originalement parce que c'était des contrôles avec les mouvements et tout ça. Si vous avez joué sur GameCube, vous vous retrouvez quand même en terrain connu parce que c'est des contrôles traditionnels. Moi, j'avais joué avec la version Wii. J'ai jamais joué à la version GameCube. Donc, c'est quelque chose que j'ai apprécié de pouvoir jouer avec des contrôles comme ça. C'est vraiment génial. Moi, j'avais joué les deux. J'avais fini la GameCube. Ok. Puis j'avais acheté les deux, là, mais. Ok. Ouais. Fait que ça doit être une expérience semblable, comme tu dis. C'est une expérience semblable à la Wii, mais en fait au GameCube au niveau des contrôles. C'est ça pour ceux-là qui ont jamais joué à Twilight Princess, parce qu'il y en a quand même. C'est ça là-dedans, t'incarnes Link une fois de plus, puis il faut que tu ramènes la lumière à Hyrule. En fait, c'est que tu te fais prendre au début par une espèce de princesse bizarre qui s'appelle Midna, puis tu te fais transformer en loup. Puis tu connais pas, tu sais pas trop ce qu'elle veut Midna au départ. Tu sais pas si elle est bonne, si elle est méchante, c'est quoi son plan exactement, c'est quoi son agenda. Tu vas rencontrer la princesse Zelda aussi qui va tout expliquer ce que tu dois faire. Puis tu vas passer d'un à l'autre. Des fois tu vas être en loup, des fois tu vas être en Link. Puis c'est ça, ce jeu-là, en fait, c'est vraiment... C'est quand même classique Zelda, tu sais. C'est vraiment le même type de Zelda qu'il y a eu auparavant. Par contre, niveau look et tout ça, moi, j'ai trouvé que pour la version Wii U, on se retrouvait pas dans le même niveau de détail et de finesse qu'il y a dans Wind Waker HD. Tu sais, Wind Waker HD, j'ai vraiment l'impression d'avoir... pratiquement un nouveau jeu, en fait. Tu sais, tu le regardes, tu fais comme « Wow, ça, c'est Wii U natif, là. » Tandis que celui-là, tu sens vraiment qu'on a rehaussé des textures. À certains moments, ça fonctionne extrêmement bien. Il y a du détail dans les niveaux et tout ça. Pis des fois, c'est vraiment intéressant de voir justement tous ces niveaux-là en haute résolution parce que la version plus haute résolution qu'on a joué, c'était avec les component cables sur la Wii. Puis il y avait quand même. En tout cas, c'est 420, ça, je ouais, pense. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'était pas. La résolution était pas terrible, mais sur la Wii, il avait réussi à faire un truc qui faisait qu'il lissait un peu l'image. Mm-hmm. Il rendait ça un petit peu flou sur tous les personnages, puis tout ça, pour rendre ça un petit peu plus doux à l'œil. On a gardé cet effet-là, sauf que cette fois-ci, il y a plus de détails dans les environnements. Les personnages aussi sont un petit peu plus détaillés. Sauf que des fois, il y a des problèmes d'ombrage. Des fois, l'éclairage n'est pas pareil sur tous les éléments. Mm-hmm. Ce qui est un peu bizarre quand même, parce que c'est on and off. C'est pas quelque chose que. C'est pas un problème que j'ai trouvé tout au long du jeu, puis avec tous les personnages, puis avec tous les niveaux. Fait que c'est comme s'il y avait certains bouts qui avaient été ratés ou d'autres pas. Je sais pas si c'est à cause que c'est un port direct puis on est allé arranger à propos du matériel source. D'après moi, c'est un peu ça qui s'est passé. Ouais, ils ont sûrement accès, là. Si on regarde. Mais tu sais, ils ont refait l'interface avec le gamepad. Ça, c'est de ça que je vais parler. Pour le gamepad, en fait, bon, c'est ça. Évidemment, il y a la base. Tu peux jouer au jeu en mode off-screen sur le gamepad seulement, ce qui est très intéressant. Tu peux aussi, tu as la map sur ton gamepad. Tu peux aussi avoir... Tu peux avoir aussi tous tes éléments, puis tu peux les changer à l'aide de ton doigt n'importe quand. Fait que ça, c'est quand même le fun. Tu n'es pas obligé de peser sur pause, tu n'es pas obligé d'arrêter ta partie. Puis là-dedans, tu sais, t'as tout le temps quatre boutons où tu peux assigner tes armes. Puis tu finis tout le temps par les changer. Des fois, on dirait que t'aimerais ça avoir 8 boutons, mais c'est impossible. Fait que là, tu changes tes affaires sans arrêt. Fait que c'est ça. Ça se fait très bien. Ils ont mis un Hero Mode là-dedans qui est en fait un mode miroir. Okay. Fait que t'as le monde du jeu, mais en mode miroir. Ce qui fait que c'est quand même plus difficile. Puis tu prends le double du dommage. Fait que c'est vraiment tough. Ah ouais. Ils ont aussi mis là-dedans... Il y a une affaire aussi là-dedans, c'est les étampes du Miiverse. Si ça vous intéresse, ouais. Tu peux en trouver dans certains coffres dans le jeu. C'est une belle addition quand même. Niveau, là, justement, je regarde Amiibo. Niveau Amiibo, ben, c'est ça, t'as Wolf Link. Wolf Link est super belle statue. Puis là, quand tu la mets, tu peux débarrer un niveau qui s'appelle Cave of Shadows. Puis là-dedans, t'as des ennemis. T'as de plus en plus d'ennemis. Faut que tu les combattes jusqu'à temps que tu crèves. C'est légèrement intéressant, pour être honnête. C'était comme... Il y avait un niveau qui était ça, où tu descendais là, d'étage en étage. Ouais, là. Ça ressemble beaucoup à ça, mais c'est pas ça. Ça a vraiment été fait... tu le vois, ça a été fait avec l'engin qui a servi à la version Wii U. Ouais. C'était pas dans le jeu auparavant. Ça spawn des ennemis, puis ça finit plus. Okay. Fait que c'est quand même intéressant... Sauf que la vraie affaire qui est le fun avec les Amiibo, je trouve, c'est qu'avec l'Amiibo de Link, de la princesse, puis de Ganon, si je me trompe pas, tu peux avoir plus de tu sais, comme je pense qu'il y en a un qui, ça te redonne tes flèches, il y en a un autre, ça te redonne ta vie, il y en a un autre que ça donne le double du dommage, je pense que c'est Ganon. Ouais, c'est Ganon, le double du dommage. Ça, je trouve ça intéressant, Moses. Ça, justement, c'est le genre d'affaire que moi, je m'attends d'un Amiibo, tu sais. Puis là, évidemment, tu peux t'en servir juste une fois pendant une partie, mais c'est quand même le fun, admettons que t'es dans la merde, puis comme, je l'utilise-tu maintenant ou non? Ouais. Là, tu le mets sur ton gamepad, paf! Tout de suite, tout d'un coup, tu te retrouves avec tous tes cœurs. Je trouve que c'est une bonne raison d'acheter un Amiibo, parce que ça change la game quand même pas mal. Fait que, c'est un beau package. J'ai pas tant de choses que ça de nouvelles, puis on s'attendait pas à ce qu'il y ait tant de choses de ça de nouvelles, là. C'est vraiment en attendant ce fameux Zelda qui n'arrive pas. Puis le jeu est aussi bon qu'avant. Moi, je m'amuse vraiment beaucoup avec, même que je pense que je l'aime mieux maintenant que je l'aimais à l'époque. Parce que c'est un Zelda qui est très dark, ouais, très sombre, une musique super lugubre. Puis c'est vraiment, c'est pas... Je trouve que ça n'a rien à voir avec les autres Zelda. En fait, on pourrait penser à Majora's Mask. Puis ce qui est drôle quand même comme parallèle, parce qu'ils ont décidé de sortir Majora's Mask, puis après ça, de sortir Twilight Princess. Ouais. Deux jeux qui se ressemblent quand même pas mal au niveau du feeling qu'il y a dedans. Mais là-dedans, il y avait des super bonnes armes. Il y avait des super bons combats de boss. Toi, tu l'as-tu terminé? Ben oui, c'est ça. Moi, je dois avouer que je l'ai terminé, puis c'est mon Zelda HD favori. OK. C'est mon préféré, puis tu sais, j'ai beaucoup aimé Skyward Sword, j'ai beaucoup aimé Skyward Sword, Wind Waker aussi, que j'ai fait à 100% au niveau de la grille, ouais. Mais lui, là, il était dark, ouais. Tu peux te transformer en loup, ouais. Tu sais, c'est badass, t'sais, c'était épeurant un peu plus que les autres, l'ennemi, tu sais, il y avait un esthétisme aussi dans cette Zelda-là, ouais. Tu sais, ce que tu as dit, l'espèce de... d'aquarelle, là, ouais, qu'il y a tout le temps, tu sais, c'était... Pour moi, en tout cas, tu sais, j'ai pas encore joué au remake, mais le jeu original, tu sais, c'est génial. Là. J'ai adoré, là, complètement. Là. Moi, je t'avoue que le loup... puis, tu sais, là, j'y rejoue, puis le loup m'énerve un peu, ouais, à un certain point. Tu sais, j'avoue que des fois, j'aimerais ça être Link, tu sais. Mm. On dirait que j'ai moins de difficulté de jouer mode terminé, loup. Toi, à l'original ou... L'original, j'avais terminé. Okay, fait que là, celui-là, je ne l'ai pas encore terminé. Mais à un moment donné, tu peux te changer pas mal à volonté. C'est ça. Là, c'est ça. Exact. À ce moment-là, ça devient quand même intéressant, mais je suis moins porté à aller du côté du loup, à moins d'y être forcé. Ouais. Tu sais, comme, admettons, Okami est un de mes jeux favoris, puis je m'habituais plus avec Okami parce qu'on dirait qu'ils ont pris comme la base de Twilight. Puis qu'ils l'ont amené au prochain niveau parce que le loup peut vraiment se battre de façon ridicule. Là. Vraiment, il peut sauter, il peut faire des bouts et tout ça. Dans Twilight, je trouvais que c'était un petit peu limité de ce côté-là, avec le combat avec le loup. Mais sinon, le jeu il commence, t'es comme obligé de te loup pendant un petit bout. Ouais, c'est comme si il est long à starter. Ouais, en fait. C'est long, puis ouais. Ce bout-là, c'est comme si c'était une punition. Là. T'es comme pogné ouais. En loup, puis il faut que tu reviennes en ligne. Ça fait qu'à chaque fois que t'es en loup après, c'est comme. T'as comme ce feeling-là que ouais. T'as hâte de passer le bout que t'es en loup, tu sais. Ben ouais. Sauf si t'aimes vraiment les loups, tu sais. Ouais. Ouais, si t'aimes les loups, j'ai trouvé cool le loup, tu sais. Mais il était, pour vrai, il était cool le loup quand même. Puis tu sais, c'est encore le fun, mais c'est pas aussi le fun qu'être Link. Tu sais, quand tu vois toutes les habiletés de Link. C'est un hookshot. Tu sais, ouais, le hookshot. Il est malade dans ce jeu-là. Quand t'as l'espèce de roue qui te permet de sauter puis de bumper sur tout, c'est comme une espèce d'engrenage sur lequel ouais, ouais. Tu sautes. C'est vraiment cool ça. Fait que tu sais, il y a plein de trucs de Link que tu peux pas égaler ça avec le loup, tu sais. Mais c'est juste un. Fait que, c'est une option de plus, là. Mais, ouais. Ouais. Mais quand même, un très bon jeu, meilleur que ce que je pensais, là. Merci. mais moi, c'est ça. Ça a renoué avec ce jeu-là parce que je me souviens qu'avec le temps, j'avais fait Twilight Princess, c'était bon, mais c'était trop dark. Non, non, non. Puis moi, ça m'avait buggé que ça soit dark de même. Ouais. Puis, ouais. Ouais, puis ce qui avait dérangé dans le temps, c'est que je trouve qu'il c'est un jeu où il y a beaucoup de build-up ouais. Vers des choses qui aboutissent pas. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est comme, oh, t'as découvert les villages cachés de l'ancienne tribu des Shakers. Ouais. Mais il n'y a rien à faire là. Ouais. Oh, t'arrives à Kakariko Village. Il est vide. Oh, le Hero Field, il est énorme. Il est vide. Ouais, il est complètement vide. Puis, ça n'a pas changé. À un moment donné, il y a une civilisation dans le ciel, puis il y a comme un gros build-up, puis là, à un moment donné, t'arrives à débloquer le canon pour y aller, puis oh, c'est juste une shop, puis un donjon. ça, il y a comme tout plein. Tu sais, je trouvais ça vraiment le fun, tu sais, l'espèce de petite gang qui sont dans la taverne. Ouais. Que quand tu sais pas quoi faire, tu vas voir, puis ils sont comme, ah ouais, on est en train de checker telle place, là, il se passe de quoi. Puis cette gang, ces personnages-là, ils sont le fun. Ouais. Puis t'aimerais ça en avoir plus de ces personnages-là. Puis tu sais, dans le dernier donjon, à un moment donné, t'es pogné, Link est comme en mauvaise posture, puis il y a comme une flèche qui arrive, ouais. Qui frappe un ennemi, puis là, t'as comme cette gang-là, ils sont là. Puis là je me rappelle, oh shit, ils vont venir aider Link, tu sais, ça va être vraiment différent, Link est toujours tout seul, puis ils font juste comme, nope. OK, bye! Puis c'est ça, tu sais, c'est un jeu que, tu sais, je dirais qu'il y a des coïts interrompus. Ouais. Que il y a tout le temps des build-up vers quelque chose, puis on dirait qu'il y avait des débuts d'idées, ouais. Puis que finalement, ils ont dû scale down. D'ailleurs, je pense qu'ils ont coupé des... non, ils ont dû utiliser des donjons qu'ils avaient coupés dans Wind Waker, je pense. C'est mais ça. Mais il y a des affaires qu'on dirait qu'ils ont scale down... Parce que finalement, il n'y avait pas le temps des amener ou je sais pas. Mais en passant, en le refaisant, les donjons sont vraiment malades. Oui, les donjons c'est vraiment, sont écœurants. C'est vraiment écœurant. Ouais. Puis Midna, je pense que c'est entre les deux que ça me bug dans ce jeu-là. Ouais. Comme Midna, justement, c'est pas vraiment mieux que... Moi, je la trouve cool, Midna. Ou le chapeau de Midnishka. Ouais. Mais moi je l'aimais bien Midna en fait. Puis je l'aime beaucoup en forme finale. Ouais. Mais bon, j'ai fait un spoiler là. Ouais, mais, c'est exactement. Excusez-moi. C'est le passé en douce d'une chose. C'est un jeu qui a plus que 10 ans. Là, comment, là. Ouais, c'est vrai qu'après 10 ans, ça, tu devrais ouais, passer. T'as le droit à spoiler. C'est pas grave. C'est comme ça. La saison 1 de Walking Dead. Là, ouais, exact. Tu l'as pas vu. Revenez-en. Là, hey, fuck. Fait que c'est ça, anyway, j'ai même pas donné de cote. Je donne un 4. C'est moins impressionnant que Wind Waker, mais c'est quand même un essentiel pour la. Ouais, hein, c'est arrivé comme. Pam! C'est comme le deuxième beard shot. C'est correct, dans l'autre angle, c'est juste mon nez qui sort dans la caméra des fois. C'est vraiment bizarre. Mais c'est ça, c'est quand même un essentiel pour Wii U. Que vous ayez joué à l'original ou non, parce que ça fait quand même assez longtemps. Puis si vous êtes comme moi, vous en souvenez plus vraiment. Ça vaut la peine. Right. Tu sais, je suis sûr que je l'apprécierais plus de jouer maintenant parce que dans le temps, je pense que j'avais des grosses attentes. Puis que finalement, c'est décevant à certains niveaux. Puis tandis que maintenant, tu sais, j'ai l'impression que je serais pas autant déçu de ces éléments-là. C'est vrai. Mais c'est aussi que moi, à l'époque, tu sais, j'avais joué à Wind Waker. Mm-hmm. Puis Wind Waker, c'était mon Saint Graal. Là, je trouve que c'est la meilleure affaire qui était arrivée à Zelda. Puis là, t'arrives à ça qui est comme complètement autre chose. Oh, mais ils ont fait exprès, tu sais, dans l'esprit de la philosophie, fait, parce ça. Que Wind Waker était très enfantin, tu sais, C'était Cartoon Link. Ouais, c'est très naïf. Puis là, ils ont dit, on va faire l'opposé, on va le faire dark. Puis ils ont réussi. Là, ils ont c'est très sombre. Bien réussi. Il y a même des monstres épeurants là-dedans. Là, hey, c'est pas pour enfants. La musique, tout, ouais. Là, c'est pas le fun. Les créatures là. Noires avec des ah ouais. Mais ce qui m'agace par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression que ça a été une réaction à la mauvaise réception de Wind Waker. Et que c'était pas probablement. J'ai l'impression que c'était pas le plan initial de Nintendo. Parce que quand tu finis Wind Waker, tu sais, c'est vraiment écrit on s'en va vers autre chose, c'est fini, on s'en va. Là, pis t'as vraiment l'impression que Nintendo voulait faire un clean slate avec, avec la franchise Zelda, puis vraiment partir vers complètement autre chose. Puis que la mauvaise réception du jeu a fait comme on va refaire Ocarina of Time. Puis que finalement, la suite des. C'est à cause de ça qu'il y a plusieurs timelines aussi. Là. Ouais, peut-être, je sais pas. Parce qu'en fait, ah non, il faut faire un autre jeu à Hyrule, mais on a floodé Hyrule. Autre timeline. Ouais, mais en tout cas, moi, tout ce que je retiens, sombre loup. Ouais, sombre loup. Excellent. Mais ça reste un excellent jeu, là, tu sais. Ah ouais, il est vraiment t'sais, bon. Quand tu dis qu'un. Un Zelda est moins bon qu'un autre, ça reste. Ouais, quand mais les mécaniques Zelda, sont têtes, ouais. Les armes sont puissantes, les donjons. En tout cas, ben c'est le dernier Zelda sur 3DS qui c'est pas bon. Lequel? Le dernier Zelda Triforce. Là. Je l'ai pas joué. J'ai pas énormément joué non plus. Mais bon. Non. C'est pas super. Mais bon, il reste chacun une critique. Ouais. Ouais. Là, ça serait à Nick. Ouais, je vais y aller. Moi, Nick, je vais vous parler de Pokken Tournament. Fait que on a la thématique jeu de combat ici ce soir. Fait ouais, que hein, ça, Pokken, j'ai pas eu autant la chance de jouer que Street Fighter. Il est sorti très récemment. Mais j'ai quand même mis un petit peu de temps là-dedans. Donc je vais vous décrire. En fait, ça c'est quoi? Oui, c'est comme vous pouvez penser. Ça ressemble pas mal à un hybride entre Pokémon et Tekken. Ça a été développé par Namco Bandai Games. Publié par Nintendo. Et le Pokémon Company a été impliqué là-dedans, bien sûr, okay. Parce que tu sais, c'est toutes le IP, en fait, la propriété intellectuelle de Pokémon Company. Et qu'est-ce que c'est, ça? C'est un jeu de combat, en fait. Un jeu de combat, puis beaucoup plus profond que vous pouvez imaginer, tu sais. Moi, dans le fond, en analysant ce jeu-là, je me dis, ça va faire pleurer vos enfants, tu sais. Ouais. C'est vraiment pas le type de jeu qu'on peut penser que c'est, tu sais. Dans le temps, si vous avez joué à Pokémon Stadium, tu sais, il y avait un petit élément que tu te dis, hey, j'aurais tellement aimé ça que je moi-même puisse. En temps réel. Moi, je peux moi-même faire combattre mon Pokémon, pas juste un turn-based. Puis c'est exactement ça. C'est vivre la fantaisie d'enfin incarner un Pokémon puis de le battre. T'sais, vous avez pu le faire dans Smash, mais là, c'est vraiment. C'est un combat de Pokémon. Ça reste ça. Puis c'est un jeu que, quand même, il est vraiment plus profond qu'on pouvait s'imaginer. Moi, quand j'ai vu ça, l'annonce à un moment donné au Nintendo Direct, je me suis dit, waouh. Ouais, ok, pas pire, tu sais. Mais c'est un jeu d'arcade à la base, hein, ça? Oui, c'est un jeu d'arcade qui est sorti depuis un an au Japon. Ok. Puis ici, donc là, il est sorti sur Wii U, mais c'est un port, tu sais, comme probablement parfait. C'est probablement du hardware Nintendo qui avait en arrière de ça, je sais pas, mais. Ok. Anyway, c'est un très, très, très bon port, là. Donc, mais c'est vraiment plus compliqué qu'on pense comme jeu. Premièrement, c'est un jeu 3D, puis il y a quand même deux modes, en fait. Ils appellent ça des phases. Il y a ce qu'on appelle le field puis ce qu'on appelle le duel. Le field, dans le fond, c'est quoi? C'est que vous êtes dans l'environnement 3D qui est une arène. Ouais. Puis vous pouvez vous déplacer un petit peu comme dans Soul Calibur où vous courez autour de la personne. Puis dans ce mode-là, vous pouvez faire des projections genre boule de feu, boule d'énergie, etc. Okay. Puis vous avez besoin de moves là, pour, mettons, on pourrait dire, vous rapprocher rapidement. Fait qu'il y a des espèces de moves de dive, des attaques, etc. Okay. Puis là, quand vous êtes assez proche et où vous avez utilisé un déclencheur, vous rentrez dans le mode duel, qui est grosso modo un mode old school 2D. Fait que là, la caméra change et switché. Puis là, on entre vraiment en combat corps à corps. OK. Fait que là, c'est différent. Il y a des possibilités de faire des combos qui ont plus de dommages. Puis c'est vraiment un jeu 2D. Là. Vous avez perdu la vue 3D. Ouais. Vous êtes sur un X et un Y. Et that's it. Puis c'est vraiment intéressant, ce changement de phase-là, en fait. Ça donne une certaine profondeur au jeu parce que tu sais, t'as des avantages à être dans un mode ou non. T'sais, fait que ça, c'est bon. C'est quelque chose qui est relativement intuitif, mais quand même, là, on s'entend, là, c'est pas tous les jeux de combat là, qui vont avoir ce genre de point de vue. Non, vraiment pas. T'sais, c'est, il y a quand même une petite notion aérienne là-dedans. T'sais, c'est pas du gros combo aérien, mais ça existe. C'est un mélange d'affaires. T'sais, c'est peut-être plus proche des jeux de combat Naruto qui sont sortis récemment. Puis je pense que c'était Namco Bandai aussi qui faisait ça. Naruto, puis ça me fait penser à Dragon Ball Z aussi. J'ai pas joué à Dragon Ball Z, mais c'est vraiment plus. Ben, c'est 360 type en de fait, brawler moderne. Ouais. Sauf que, comme je l'ai dit, quand on arrive dans le mode duel, ben là, c'est un peu plus old school combat. Là. Fait que moi, j'ai bien aimé cette balance-là entre les deux. Ouais. J'ai trouvé ça intéressant. Les arènes, en fait, sont soit rondes, soit ovales. Okay. Puis il y a des petites arènes, des médiums, puis des grandes. Fait que ça donne une variété au niveau des terrains de combat, en fait. J'ai trouvé ça très intéressant. Dans le temps, dans le type d'attaque et de combat qu'on peut faire, au niveau des attaques, ça reste Pokémon. Si vous avez joué à Pokémon, c'est un petit peu du roche-papier-ciseaux complexe. Ouais. Mais ils ont repris ce système-là, mais il y a comme un genre de triangle là-dedans. T'sais. Vous pouvez faire des attaques normales, en fait. Okay. Les attaques normales vont être battues par des counters. Un counter, c'est genre, vous avez une espèce de... Vous absorbez des hits, puis à un moment donné, vous pouvez refrapper. Okay. Puis le counter va être battu par un throw. Un grab normal de tout mon jeu. Et le throw va être battu par l'attaque normale. Fait que vous voyez ici, c'est vraiment comme roche-papier-ciseaux. Ouais. Fait que, à tout moment, il y a une petite stratégie au niveau de ce qu'on va faire comme prochain move. T'sais. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est une profondeur que je ne m'attendais pas du tout dans un jeu comme ça. Y a aussi une mécanique de... On appelle ça de synergie. Vous avez une barre en bas. C'est une barre de synergie avec on pourrait dire l'entraîneur ou le personnage en fait que vous incarnez, qui n'est pas le Pokémon, le dresseur Pokémon, le terme exact. Puis lorsque cette jauge-là est pleine, vous avez accès au Synergy Burst, qui est un mode où on fait plus de dommages, on va plus vite, etc. Okay. Puis dans ce mode-là, vous avez la possibilité d'utiliser votre move qui est comme l'ultimate en fait. Là. Mm-hmm. Donc vous allez pouvoir faire votre super coup qui fait vraiment très très mal. Mais il faut activer le mode avant, puis ensuite vous pouvez faire le coup. Okay. Ce qui est intéressant, c'est... L'exécution est pas difficile dans ce jeu-là. Mm-hmm. C'est pas des boules de feu, des Dragon Punch. C'est vraiment genre une combinaison de boutons assez simple avec en haut, en bas, à l'avant. Vous utilisez la croix directionnelle. C'est pas le gamepad, le D-pad analogue. Mais ça se fait vraiment super bien. Mais c'est quand même vraiment, là, comme j'ai dit, il y a vraiment de profondeur qu'on pourrait pas imaginer. En plus, il y a des assists, en fait. Vous avez toutes sortes de types d'assists. Ça, c'est d'autres Pokémon qui viennent vous aider pendant le combat. Okay. Il y en a qui font juste des attaques. Il y en a qui viennent donner de type disrupt. Ils vont faire quelque chose de négatif sur votre opposant. Puis il y en a, ils vont juste vous donner plus de force ou de vitesse, etc. Fait que ça entre en contact. Fait que des fois, vous êtes dans une situation difficile. Vous appelez l'assist, il vient vous aider. Mm-hmm. Fait que ça arrange vraiment des fois la situation. Ou ça peut vous donner des possibilités de combos que vous avez. Oui. Fait que il y a plein de combos. Ce jeu-là, contrairement à Street Fighter, qui a zéro single player, il y a énormément de single player. Il y a plein de tableaux à débarrer. Il y a plein d'assistants Pokémon qu'on va pouvoir débarrer. Oh, ben cool. Dans le fond, il y a une ligue, en fait, Ferrum, qui a été créée pour ça. Okay. On va pouvoir, comme dans les Pokémon, grinder, on peut dire, avancer la ligue. T'sais. Il y a vraiment beaucoup de progression. Tu peux débarrer des items. Combien de personnages? De base, 1, 2, 3, 4, 5... À peu près. Ouais, là, à peu près une douzaine de personnages. Ah oui, pas plus que ça. Non, pas plus que ça. Mais je dirais que c'est correct. Honnêtement, j'ai pas senti qu'il en manquait. Là. Ils sont assez différents. Mais les Pokémon, c'est parce qu'il y en a une méchante. Je sais, gang, ça a dû être difficile de faire des choix. Ils ont choisi beaucoup des Pokémon de combat, en fait. Ouais. Ils ont mis Pikachu. Il y a deux versions de Pikachu, dont Pikachu Picalibré, là, qui est comme un lutteur, là, en fait. De lutte libre mexicaine, on peut dire. Mais je pense qu'il y a des Pokémon qui doivent être difficiles à adapter en fighter. Il y a un Pokémon, c'est comme une épée qui flotte. Là, lui, il n'est pas là. T'sais. Mais non, par contre, il y en a un qui est comme le chandelier, il est là. J'ai oublié son nom. Là, mais fait qu'ils ont mis des Pokémon un peu bizarres. Mais c'est vraiment... C'est un beau jeu, une belle surprise pour moi parce que je m'attendais vraiment à rien. T'sais. Puis le mode online, il est intéressant. Il est très rapide. Je dirais même plus rapide le matchmaking que Street Fighter. La seule affaire, je me suis fait torcher sévèrement en ligne. C'est un jeu qui a l'air vraiment facile puis bonbon, mais t'sais, tu peux monter ton niveau. Là, ben, ça doit être comme Smash là. Aussi, c'est très simple. Exactement. Mais c'est la compétition peut s'installer. Le seul point négatif de ce jeu-là, je dirais, c'est quand on joue à deux local, il y en a un que, étant donné les deux modes, là, le Field 3D puis le 2D, il y en a un qui regarde son gamepad. J'ai trouvé ça un petit peu moins intéressant parce que ça détache un peu. Là. Fait que je me demande comment ils vont faire pour la compétition, en fait, là, s'ils utilisent la Wii U comme plateforme. Parce que l'autre, il est un peu désavantagé. C'est plus petit. Pis, Mais c'est plate aussi. C'est quand même le fun de regarder la même affaire côte à côte. Ben, mais dans ce jeu-là, je comprends pourquoi. Parce que ce mode-là, tu t'en vas sur un 3D, ça serait horrible. Il faudrait qu'ils montent la caméra en haut. Pis ça serait plus jouable. Fait que c'est la meilleure option qu'ils ont choisie. Mais c'est un peu dérangeant pour la personne qui a le gamepad. Mais c'est jouable. J'ai fait quelques matchs là, puis on s'habitue assez rapidement. Fait que moi, c'est un beau jeu qui m'a très surpris. Pour la Wii U, il n'y a pas énormément de jeux de combat. Je vous dirais, si vous avez une Wii U, puis tu sais, vous avez fait un peu le tour de Smash ces temps-ci, vous cherchez quelque chose de nouveau, allez-y pour ce jeu-là. Pour toutes ces raisons, il m'a vraiment surpris. Là, beau produit. Je donne la note de 4 sur 5. Alors, et comme je dis, si vous aimez pas la compétition, il y a un beau mode single player qui va satisfaire vraiment vos besoins. Puis les tutoriels sont très, très bien faits. Et faites-le. Parce que comme j'ai dit, c'est très technique. Il va falloir que vous connaissiez pas mal comment les choses vont. Tu sais, il y a des... Je l'ai pas nommé, mais mettons, tu as des anti-air, tu as un paquet d'affaires là, de techniques spéciales que tu peux faire. Allez vraiment faire le tutoriel, puis vous allez avoir une meilleure expérience. Mais très beau jeu. Peut-être moins approprié pour les enfants, mais si vous êtes quelqu'un là, qui aime les jeux de combat techniques, super découverte en fait. Là. Très rapidement, tu as parlé un peu à Amiibo tantôt. Qu'est-ce qui se passe? Mais Amiibo, ça? Ils font pas grand-chose là-dedans. Okay. En fait. Moi, ce que j'ai pu voir, tu sais, ils m'ont débarré des choses, là, des éléments là, de costume. Là. Fait que, quasiment juste des skins. Fait que, ils sont pas super présents, là, mais c'est correct. Si vous en avez, utilisez-les. C'est un plus, là, mais c'est pas. Les gros features. C'est pas essentiel. Là. Non, c'est ça. Mais, est-ce beau. Est-ce que tu trouves ça? Est-ce que. Qu'est-ce qui. Pour un nouveau joueur, est-ce que tu trouves que Street Fighter V ou Pokémon Tournament est plus accessible? Oh shit. Ah ouais, c'est fait. Ben. Je pense que Pokémon Tournament est plus accessible parce que les contrôles. Comme j'ai dit, sont simples. T'sais, ton combo, tu vas le faire Y, Y, Y. Ensuite, ton launcher, ça va être peut-être en haut, puis. X, tu sais, c'est pas des contrôles difficiles. C'est vraiment la barrière, elle va pas être au niveau de votre exécution. Vous allez être capable de tout exécuter sans aucun problème. Même si Street Fighter est maintenant plus facile au niveau de l'exécution, il y a quand même une barrière là, pour certaines personnes. Fait que celui-là, la barrière est pas là. Par contre, si vous voulez pousser, il y a des mécaniques qui vont quand même être capables d'accepter ça. Là. Mais c'est vraiment pas pour les jeunes enfants. Là, ça va être plus, comme je dis, pour des gens qui recherchent un défi, le fighter. Mais belle découverte. Puis, tu sais, dernière chose peut-être, ça s'apparente un peu à Tekken, mais pensez pas que c'est Tekken, c'est autre chose. Non, c'est ça. C'est vraiment différent. Tekken, si vous arrivez avec un je veux un Tekken, ça sera pas ça, vous allez être déçu. Mais allez avec un esprit ouvert, vous allez vraiment apprécier. Nice. Mario, take it away. Ça fait que je vais vous parler de Sadami, qui est un jeu sur 3DS. Puis, encore une fois, c'est un RPG d'action un peu hack and slash. Là. Puis là, ça se passe Japon médiéval. OK. Puis, j'avoue, j'ai pas accordé full attention à l'histoire. Là. Il y a des démons, puis... Puis là, ça va mal. Il faut que tu combattes des démons. Puis là, t'as le choix en différentes classes. Ce qui est quand même cool. T'as un ninja, t'as un samouraï. Puis ça change un peu les combats puis les armes que tu possèdes. Puis c'est ça. Au fond, c'est graphiquement, ça ressemble à un jeu de Super Nintendo. C'est quand même assez beau graphiquement. Ça fait penser peut-être au style graphique de Chrono Trigger un peu. Puis c'est ça, tu te promènes, puis là c'est vrai que ça ressemble à Chrono Trigger. T'arrives dans un screen, puis là il y a des ennemis qui apparaissent, puis là t'es dessus, puis là il y a d'autres ennemis qui apparaissent, puis là t'es dessus, puis là t'arrives à l'autre screen, il y a des ennemis qui apparaissent, puis là t'es dessus. Waouh, c'est excitant. Puis ça aurait été excitant si l'intelligence artificielle était intéressante. C'est pas le cas, les personnages apparaissent, puis ils vont un petit peu n'importe où, puis ils attaquent un petit peu n'importe où. Puis soit ils sont vraiment niaiseux, puis t'es dessus super facilement. Soit tu te fais swarmer, puis à chaque fois que tu reçois un coup, tu gèles pendant une seconde. Ça fait que tu peux recevoir comme des coups à l'infini. Puis là, tu meurs, puis t'es en crise, puis tu recommences au début du tableau parce qu'il n'y a pas de checkpoint. Puis il y a quand même des... Y a, là, Il y a des belles idées dans le jeu. Il y a des éléments RPG. C'est basé beaucoup sur du loot. Tu prends du loot pendant les missions. Puis là, que tu meurs ou que tu réussisses la mission, tu vas avoir après ça un screen entre les missions où est-ce que là, tu peux équiper ton personnage. Tu peux changer l'équipement, l'arme et tout ça. Ça ne change pas vraiment le personnage visuellement. C'est juste des statistiques. Ça fait que ils ont donné des noms différents ou différents équipements que tu peux avoir, mais finalement, tu t'en crisses. Tu fais juste regarder, celui-là, il donne plus d'attaque. OK, je vais prendre celui-là. OK, celui-là, il donne plus de défense. Je vais prendre celui-là. Puis, tu es tout le temps en train de changer ton équipement, mais ça change pas grand-chose à ton personnage. Ça change juste les statistiques. Tu peux avoir des spells qui sont associés aussi à l'équipement. Ça fait qu'il y a certains trucs que tu vas équiper. Là, tu vas essayer de te permettre de faire certains spells. Malheureusement, le trois quarts des spells sont un peu inutiles. Okay. De la façon qu'ils sont faits, sont super. Ça prend comme 3 secondes à caster. Puis là, mettons, ça caste un truc qui apparaît dans le sol, plié des pics. Là, tu fais. Puis là, ça sort, mais les ennemis sont plus là depuis 3 secondes. Okay. Puis, ce qui fait que la façon la plus efficace de tuer, c'est juste de faire le même combo que tu fais sans tout le arrêt. Temps. Puis en fait, tu peux unlocker des nouveaux combos parce que tu as un skill tree aussi. Okay. Parce que tu peux assigner des points, puis tu peux unlocker des nouveaux combos. Mais si tu le fais pas, tu as juste le combo de base. Puis là, finalement, tu passes ton temps à faire le AAB, AAB, AAB. Puis c'est vraiment la façon la plus efficace de tuer les personnages. Fait que tu le fais tout le temps. Okay. Puis là, les boss, tu sais, les boss, ils sont comme gros, puis ils sont beaux, puis t'es comme, oh wow, les boss, ils ont l'air cool. Ouais. Puis finalement, ils bougent à peine, ils sont un peu niaiseux, puis ils sont super faciles. Puis, en fait, le gros problème du jeu, c'est l'intelligence artificielle est vraiment à chier. Puis, tu sais, ils ont rajouté comme plein d'éléments intéressants, comme, tu sais, le loot, puis le skill tree, puis tout ça. Puis, ces éléments-là sont le fun en soi, sauf que tu t'en fous parce que le gameplay de base, qui est le hack and slash, il est plate. Ça va mal en tabarnouche. Ça fait que, tu sais, j'ai l'impression que tu veux juste pas progresser. Que c'était une équipe qui avait pas confiance en leur produit, pour reprendre un terme que affectionne. Mais... ils avaient pas confiance en leur produit, puis qu'ils ont dit, ben on va rajouter des affaires autour. Ouais. Mais il y aurait. Tu sais, je trouve que ça aurait été bien plus fun comme jeu s'il avait enlevé le skill tree, s'il avait enlevé toutes ces affaires-là, puis qu'il y aurait vraiment focusé à faire OK, c'est juste un hack and slash, niaiseux, mais qu'au moins le gameplay, le combat est le fun. T'sais, tantôt, on parlait de Moon Hunters. C'était un peu facile, Moon Hunters, mais le combat, il est le fun. T'sais. Ouais. Il y a quelque chose d'addictif ou est-ce que t'as hâte T'as hâte à la prochaine game c'est ça, aussi, c'est assez ça. Important. Tandis ça. Que Sadami, c'est comme. Ah, il y a des personnages qui apparaissent. Là, tu fais ton AAB, AAB, qui sont morts. Là, tu arrives pour avancer. Oh, tu peux pas avancer. Il faut que tu parce qu'il y a des personnages qui ont respawné en screen en arrière. Là, tu reviens. Puis, moi, ce que je trouve plate, c'est quand tu fais un jeu qui ressemble à un jeu d'une vieille console, c'est toujours plate quand on dirait que tu as comme repris les problèmes techniques de l'époque aussi. <t'sais>. Ou est-ce que... non, il n'y a pas comme rien qui t'indique qu'il y a des personnages qui ont comme respawné parce qu'ils ont respawné comme 3 secondes en retard, puis que finalement, tu reviens, puis là tu gosses, puis t'es pas sûr pourquoi. Puis à l'époque, c'était correct, puis, mais aujourd'hui, t'es comme. Ils vont dire c'est un hommage! Non, c'est. C'est que. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre à propos de ce jeu-là? Ça regarde mal. Ouais, c'est ça, on retient notre souffle. Puis quand tu meurs. Tu meurs jamais parce que l'ennemi il est tough ou son pattern il est difficile à apprendre. Non, tu meurs parce que là, par chance, ils t'ont pogné dans un coin puis que quand tu reçois un coup, t'as pas comme un demi-seconde pour te tasser. Tu reçois un coup, tu fiches, puis là, s'ils ont comme tiré 50 flèches en même temps. T'as pas d'invulnérabilité après. Non, genre. C'est ça. Y a pas de petit moment d'invulnérabilité où est-ce que tu peux comme. Te tasser ou. C'est juste frustrant quand tu meurs. Puis, les boss sont vraiment décevants, puis ils sont super faciles. Ça fait que dans l'ensemble, c'est un jeu qui a des bonnes idées, mais qui sont super mal exécutées. Puis le core du gameplay, qui est le combat, ouais, il n'est pas intéressant, tu sais. Puis, ouais. C'est plate parce que ouais, quand j'ai vu la balance de jeu là, j'étais comme « Wow, ça a l'air le fun! Ouais. » Puis, ouais, la seconde que j'ai comme commencé à bouger mon personnage, puis que j'étais comme « Hey, il veut pas bouger en diagonale. » Ben, il bouge en diagonale, mais il se tourne pas en diagonale. Puis j'étais comme « Ah, il y a quelque chose de clunky. » Tu sais, quand tu touches à la manette, puis tu sens tout de ouais, suite que, comme, oh, que ce sera pas agréable. c'était ça, là. T'sais, c'est le feeling que j'ai eu comme presque... Ça sera pas agréable. Presque immédiatement. Ouais. J'avais pas fini le premier tableau, puis déjà, je suis en train de me dire « Ah, ça, je vais pas le finir, ce jeu-là. Ça va pas être le fun, tu sais. » Je sens que tu es en train de rendre un gros service à beaucoup de nos auditeurs, en fait. Ben ouais. mais c'est plate parce que ça a l'air que c'est un jeu... tu sais, c'est le type, le genre de jeu que normalement, il sort juste au Japon puis il sort pas en Amérique du Nord. Ça fait que, c'est le jeu que, un jeu que, tu sais... Ah, puis c'est ça, tu sais, il y a du texte dans le jeu, puis sans nécessairement que ce soit mal traduit comme les vieux jeux... Ouais. Tu sens que ça a été traduit beaucoup littéralement, puis qu'ils n'ont pas adapté nécessairement les ouais. expressions, puis la syntaxe. Puis tu sais, c'est comme, la syntaxe est correcte, mais écrit comme si c'était un enfant de 12 ans qui écrit ouais. en anglais, ouais. tu sais. Ça, c'est décevant aussi à ce niveau-là. Puis dans l'ensemble, ça donne une expérience que tu n'as pas l'impression que c'est un jeu qui est tout à fait abouti. Ouais. Donc, c'est ça pour Sadami. Donnes-tu la note ou... Oui. c'est ça. Ça c'est ce qu'on veut savoir. J'ai donné une note de 2.5. Oh! Donc, C'est... Ouais. Ça ah, prenait ça, tu sais. À soir, il y avait trop des hautes notes, ça fait que... Si vous êtes vraiment, vraiment fan de hack and slash puis que vous aimez ça gosser avec du loot puis des skill trees, ouais. peut-être que vous pouvez trouver un certain fun dans ce jeu-là. Mais moi, j'ai eu beaucoup de misère juste parce que t'sais ça, t'sais, c'est du combat. T'sais, c'est ouais. du hack and slash, puis ça, c'est pas réussi. Ben, le reste, il tombe un peu à l'eau. Ouais. Non, ça, c'est mais il y a tellement d'offres en plus là, de hack and slash. Là, ouais, c'est ils sont ça. Bien réussis. À partir du moment où les mécaniques de combat sont pas très bonnes, ça devient vraiment très, très moins intéressant. Là. Tu te dis, pourquoi je perdrais mon temps sur celui-là versus 78 ans. Puis en plus, qu'il n'y a pas de... Il y a pas de c'est pas diversifié comme gameplay. C'est t'arrives dans une pièce, des ennemis ils pop, t'es dessus, il en pop d'autres, t'es dessus, t'arrives dans l'autre pièce, des ennemis ils pop, t'es dessus. Il se passe rien d'autre que ça, à part casser des boîtes pour ramasser, ramasser en du en plus, original pantoute. Fait que, Donc voilà. Bon. Ok. Allons-y pour la dernière critique officielle. Oui. Ouais. Fait que moi, je vais critiquer Hitman Go. L'édition ultime. En fait, c'est ça, Hitman Go, c'est un jeu qui est sorti déjà sur iOS. C'est sorti sur mobile, puis c'est Square Enix Montréal qui a fait ça. Fait que c'est quand même assez cool, merci. Genre, ce soir, je pense que 50% de notre contenu est... Ouais, Montréal, ouais, hein, Montréal. Local. Génial. Ouais, c'est ça. Consommer local. Fait que c'est ça, Hitman Go, il y en a qui ont peut-être joué aussi récemment à Lara Croft Go, qui est excellent. Ça a d'ailleurs été basé sur Hitman Go. Puis ça, c'est la version pour PS4, PC, PS Vita. Donc, on a le jeu en haute définition. Puis, ce que c'est Hitman Go, c'est comme un jeu de table. En fait, c'est que t'as comme une espèce de table, un petit tableau avec des lignes puis tout ça. Puis c'est du tour par tour. Disons que toi, t'avances, que les personnages, c'est comme des pions. Puis tu l'avances, puis là, l'autre personnage va peut-être faire un mouvement. Puis là, toi, t'avances, tu fais un autre mouvement. Donc, c'est du tour par tour, puis il faut que t'arrives à la fin du niveau. Puis des fois aussi, il faut que t'arrives à tuer certaines personnes. Mais c'est pas fait de façon graphique et sanguignolante comme dans la série Hitman. C'est vraiment là, graphique, super design, minimaliste. Ben, c'est littéralement un jeu de table. Oui, c'est ça, c'est vraiment un jeu de table. Puis c'est des puzzles, puis vous allez vous casser la tête au maximum. Ça commence très simple, mais ça devient très compliqué. Sauf que c'est toujours faisable. Puis moi, j'ai beaucoup aimé la variété qu'il y a tout au long de ce jeu-là. Le jeu, il se réinvente tout le temps jusqu'à la fin, jusqu'au dernier niveau. Puis c'est ça, c'est vraiment... C'est un jeu qui est parfait pour des petites sessions. Si jamais, justement, vous prenez autobus, métro, ça va être parfait parce que faire un tableau, ça peut quand même être assez simple et assez rapide. Mais des fois, à force de se poser la question comment qu'on le fait, ça peut être assez long. Puis tu peux... Ça, il y a une nouvelle affaire que je trouve que je suis comme pas sûr. Mm-hmm. C'est que tu peux acheter les solutions. Ouais. C'est une drôle de microtransaction. c'est vraiment le lazy man. Ça, c'est vraiment du pay to win. Pay to win avec la solution. Vas-y, fais ça, puis tu vas gagner. Ah. Puis c'est tellement drôle comme microtransaction que ça sonne quasiment comme un gag, comme genre, OK, ben c'est sûr. Je crois que l'équipe est là, ben regarde, « Oh, on a vendu un, les gars! » c'est ça, exact. C'est quoi le gamer tag? C'est ça. Fait que tu sais, c'est ici, en fait, si tu veux des indices, puis ça, puis finalement, t'es vraiment pas capable, ben tu payes ça. Mais c'est ça, j'ai pas eu besoin de ça, puis si jamais t'en as besoin, mais il y a toujours YouTube... Ouais, si je me disais. Quand même. C'est genre, ça marchait probablement bien en 1995. Je vais aller m'acheter un EGM. Ouais, exact. Puis il va me donner la réponse, mais là, ouais. Je vais m'acheter le guide Prima. Il est sûrement sorti. Ça existe encore, tellement. Ça existe encore, les guides Prima. En fait, tu envoies la solution par la poste dans une enveloppe. Ouais. Il faut pas que tu l'ouvres parce que c'est un item de collectionneur. Ah ouais, c'est clair. Ça serait carrément. Hey, ça serait fou si on se passe ça comme business, les gars. Eh oui. C'est parfait, ça. Mais c'est dans la boîte du jeu Myst, t'avais une enveloppe scellée avec trois indices. C'est vrai. Ah ouais. Je me rappelais pas de... Moi, je l'ai ouvert après avoir fini le jeu. Pas ça. Tu me rappelles ça, c'est vrai. C'est donc bien fort. Elle vaut plus cher maintenant, c'est pas ouvert. C'est vrai que la microtransaction, elle vaudrait à peine si tu recevais comme... Ouais, si tu reçois un item. Un item de collectionneur, je sais pas. Papier, tu sais. Christy, c'est hot, ça. Mais c'est ça, bref, tu sais, c'est... Ça, c'est la version définitive, puis autre définition, puis tout ça. Mais tu sais, mis à part la définition, j'ai pas remarqué des très grandes différences avec la version iOS avec laquelle j'avais eu beaucoup de plaisir. Fait que c'est ça, je le conseille absolument à tout le monde. C'est vraiment un super bon jeu de puzzle qui est simple, mais complexe. C'est quand même assez... ça devient quand même assez difficile. Mais ça reste toujours le fun, et je lui donne un 4.5 sur 5. Oh. C'est vraiment super bon, sérieusement. C'est pas surprenant que ça soit un méga succès et que ça aille aider Square Enix Montréal à se mettre sur la map. Puis tu recommanderais une version portable, en fait? Moi, je recommande... Pas PC. Ben, sérieusement, n'importe laquelle. Ouais. Je pense que c'est aussi intéressant sur PC aussi. Okay. Ça peut même être intéressant... sur le PC de la job là, pendant le dîner. Là. T'attends que ton ravioli chauffe dans le micro-ondes. Ouais, là, tu te fais un petit tableau d'Hitman Go. Pis bon, c'est un bon truc. Ouais, ouais. Puis tu sais, Hitman Go, Lara Croft Go, Hitman Go est plus difficile que Lara Croft. Lara Croft est quand même assez facile quand même, surtout quand tu as joué à Hitman Go. Mais les deux sont très, très, très bons, mais Hitman Go, plus gros challenge. All right. Fait que that's it. Yes. Fait que sur ce... Là, on va faire ce qu'on va appeler Retro Express. Ça, c'est un essai. Ouais. On va vous présenter chacun un jeu rétro rapidement pour se gâter. Puis vu que Dom n'est pas là pour parler de rétro, il fallait bien en avoir. Parce que sinon, c'est pas rétro nouveau. Ouais. Non, c'est ça. C'est vrai. Mais tu sais, en même temps, faites Twilight Princess HD. Ouais. C'est comme un vieux jeu. Ouais, neuf. Là, on se garde dans le fond. C'est pas vraiment une critique. C'est juste un jeu qu'on apprécie. C'est ça. Partager on une jeu passion. Qu'on apprécie. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait poursuivre. Oui, on va évaluer ça. C'est le fun, ça. Vous nous laissez-nous savoir comment vous aimez l'expérience. Exactement. Ça, ah, fuck, c'était pas vrai. J'ai crié tout le long. C'est ça. J'aime ça, ce jeu-là, moi. All right. Fait qu'on commence par Nick. Ouais, moi, dans le fond, ce que je vais vous présenter, c'est Choo Choo Rocket. Ah oui. La version Dreamcast, en fait, elle existe en Game Boy Advance, mais moi, c'est vraiment Dreamcast. Ça, ce jeu-là, c'est excellent pour briser des amitiés. Parce que il y a un single player qui est intéressant, mais la vraie puissance de ce jeu-là, c'est si vous jouez à 4. Le concept est super simple. Vous avez, en fait, des souris et des chats de l'espace. Votre but, vous avez chacun une fusée si vous jouez à 4. Le but, c'est d'amener le plus de souris possible dans votre fusée pour que lorsqu'il y a de décollage à la fin d'un nombre X de secondes, vous soyez l'homme ou la femme qui a le plus de souris dans votre fusée. Ah. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est assez tactique parce que à l'écran, c'est un tableau comme ça. Les souris vont toujours tourner à droite. Dès qu'ils frappent un mur, ils tournent à droite. Okay. S'ils frappent un cul-de-sac, ils vont retourner sur leurs pas. Les chats, c'est la même chose. Les chats, c'est méchant. C'est pas bon. Ce que ça fait, c'est que ça va vous enlever un tiers de vos souris que vous avez mis en banque. Donc, graphiquement, c'est très, très simple. Tu as des couleurs, tu sais. On s'entend, là, t'sais. Mais bizarrement, ça a l'air vraiment compliqué. Ça a l'air, mais c'est très simple. Okay. Dans le fond, tout ce qu'on a à faire, c'est vous mettez des flèches. Vous en avez juste trois à mettre sur tout le tableau. Okay. Ces flèches-là doivent envoyer un maximum de souris vers votre fusée, qui est l'espèce de petit rond là, de la couleur de vos points. OK. Puis là, il y a toutes sortes d'affaires intéressantes qui peuvent s'arriver. Comme il y a des modes qui s'appellent Mouse Mania. Il y a juste une folie de souris qui rentre en même temps. Mais ce qui fait que ce jeu-là est particulièrement intéressant, c'est oui, il faut envoyer des souris dans votre fusée. Mais le but, c'est de piquer les souris des autres puis de les faire chier en envoyant des chats qui vont faire perdre un tiers des souris d'une chat. Fait que si toi, là, GF est comme on, il est vraiment là, en feu là, présentement. Il y a 560 souris. Tu envoies un chat, il perd un tiers. Boum! Puis là, tu manges trois chats consécutifs. Là. Ça te détruit complètement. Puis il y a toutes sortes d'affaires. Il y a des petits modes le fun. Il y a des souris qui valent 50 souris. Il y a des souris jaunes. Puis c'est vraiment, vraiment très bon. C'est un des meilleurs couch co-op. Mais pas co-op, mais compétitif j'ai jamais vu. Puis le Dreamcast, il y avait 4 parts. Vous jouez à 4. Ouais, c'est magique vrai, ce jeu-là. Puis je vous garantis des chicanes. Là, c'est tellement là, facile de se laisser prendre. Mais c'est plaisant, incroyable. C'est un des meilleurs jeux, comme je dis, là, de local, multijoueur. Là, okay. C'est génial. Encore aujourd'hui, aucun jeu qui m'a permis d'avoir ce feeling-là à 4. Là, incroyable. C'est vraiment un petit bijou de Sega. C'est Sonic Team qui a développé ça. Fait que je vous dis, procurez-le-vous sans aucune hésitation. Le Game Boy Advance peut être intéressant pour les puzzles single, mais là, vraiment, la force de ce jeu-là, c'est multijoueur. Fait que Dreamcast, c'est plus cher anyway. Pognez-vous en une avec 4 manettes. Ça. Pognez le jeu. Let's go. Vous allez avoir du fun. Nice. Cool. Next. GF. Ça va être difficile. Il faut choisir la technique en même temps. Ah, vas-y, vas-y. T'es capable. Montre-nous ta magie. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Et ici. Moi, je vais parler d'un jeu de PlayStation 2 qui s'appelle Sean Palmer Pro Snowboarders. Ici, la belle pochette. C'est un jeu qui a été produit par Activision O2, qui était une sous-compagnie d'Activision fondée en 2001. Quand il y a eu la grosse popularité de Tony Hawk, dans le fond, ils ont fondé une sous-compagnie qui visait les gens qui aimaient le sport et les jeux vidéo. Fait que les Hammer Gamers auraient capoté là-dessus. dans le fond, chaque jeu de la série Activision O2 focusait sur un athlète professionnel et son sport. Fait que pour le snowboard, c'était Sean Palmer et non pas Sean White qui est venu par après. Ouais. Évidemment, ils ont fait dans cette série-là Tony Hawk 4. Pro Skater 4, qui est un très bon jeu. Ils ont fait également Matt Hoffman ici, Pro BMX, qui est un jeu de BMX. Et Kelly Slater, Pro Surfer. À partir là-dessus, là, c'est un jeu du démon, ça. J'ai jamais été capable de rider une vague dans ce motadis jeu-là. Je l'ai encore parce que je l'ai pas jeté, là, mais c'était très difficile. Les autres, c'est tout un peu des genres de copies, je dirais, du gameplay de Tony Hawk, là, un peu arcane. Fait que pour celui-là, en fait, pour finir avec Activision O2, ils ont fait des spin-offs un peu moins connus. Ils ont fait un jeu de wakeboard, puis un jeu de moto, à un moment donné aussi, qui a fini par pas sortir. La marque a perdu la popularité en 2003. Fait que ça a pris 2 ans, là, ça a pas un méga high, ça a crashé en 2003. Ah ouais. Après ça, fini Activision O2. Soundtrack de feu dans Sean Palmer, je vous en donne une couple. Là. This Is Not de Static X, Dead Cell de Papa Roach, Bombshell de Powerman 5000. Here Comes the Pain de Slayer, Mouth for War de Pantera. Du gros, gros stock. C'était vraiment à l'époque où ils mettaient vraiment des bands rock, là, tu sais. Puis en fait, moi, j'adore ce jeu-là pour un seul tableau, puis c'est le tableau que je vais vous présenter maintenant. Je vais enlever l'overlay ici. Ce tableau qui s'appelle Gotcha Glacier, dans le fond, c'est un genre de pack de snowboard intérieur qui est rempli, mais rempli de stock, fait pour que tu fasses le plus haut score possible. Fait comme dans Tony Hawk, tu parques des manuals, mettons, puis le but, c'est de rester en manual tout le long. Tu grindes n'importe quoi, tu t'accroches après tout, tu fais des ollies sur tout. C'est écœurant, ce jeu-là. C'est addictif. Le genre de jeu que tu dis, ah non, je fais une autre petite game, puis je vais me coucher, puis une heure après, t'es encore accroché après ça, là. Oui. Ouais. Possiblement un des jeux que j'ai le plus joué dans ma vie, puis tu me demandes d'amener un jeu sur une île déserte, ça se peut que je choisisse celui-là. Ah ouais. J'adore ce jeu-là à ce point-là. Les contrôles sont tight, ça se contrôle comme Tony Hawk. C'est l'équivalent de Tony Hawk en snowboard, en fait. Là. Ah, c'est le fun, le snow. Ouais, puis celui-là, il est très bien fait. Les autres tableaux sont cool. Là. C'est des descentes de montagne un peu régulières, mais celui-là, tu sais, vous voyez que vous pouvez aller n'importe où, puis il y a quelque chose. Ah, ouais. Tu rentres dans un mur, ça pète quelque chose, tu fais tomber des fenêtres, tu peux aller à des places. un mode versus qui est vraiment le fun. Tu peux jouer à des horses là-dedans, fait que celui qui fait les plus hauts scores. Ça avec un très bon jeu à chicane. Là, vous voyez qu'on fait péter des vitres. Là, puis, fait que, ouais, Sean Palmer Pro Snowboard, je le recommande fortement sur PS2. Malade. Essayez ça. Good. Essayez les autres jeux aussi d'Activision O2, c'est tout très le fun. Là. Celui de Matt Hoffman Pro BMX aussi, il est très très cool. Il est vraiment bon, celui-là. Ouais, des excellents titres. Go. Next up, Mario. Oh, oh, ça fait que je vais vous parler d'un jeu qui a étrangement marqué ma jeune enfance. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Laser Suit Larry 6. Shape Up or Slip Out. Puis c'est l'histoire de... Pour ceux qui connaissent un peu la série, ben c'est Larry Laffer, c'est un gars un peu loser qui cherche constamment l'amour puis qu'il trouve jamais. Puis là, il participe à une espèce de compétition télévisée, un peu comme Coup de Foudre, mais... en tout cas, puis il perd... Okay. Mais il gagne quand même un séjour dans un tout inclus. Okay. Puis il arrive là, puis là, il doit rester. Le jeu se passe entièrement dans le tout inclus. Okay. Puis c'est pas un client qui paye. Ça fait qu'il se fait un peu traiter comme de la merde par tout le monde. Puis, l'histoire de Larry. Puis au fond, c'est un jeu d'aventure point and click de Sierra. Donc au niveau du gameplay. C'est du classique Sierra de l'époque. C'est très humoristique, évidemment. Donc, oui, il y a une thématique quand même très sexuelle. Parce ça paraît que c'est Sierra parce que l'interface en bas ressemble à SWAT 1 un peu, là, la manière que c'est disposé. Ouais. Puis SWAT, c'était en vidéo, là, mais ça paraît que ça vient de la même compagnie, en fait. Ouais, mais pas mal les point and click de Sierra avaient plus ou moins la même interface parce que t'as des items en bas, t'as les différentes actions. Puis t'as le pointage. Tu sais, comme là, il arrive dans sa chambre, puis il y a comme un gros dude en train de réparer ça. Puis au fond, il y a, je pense, 6 ou 7 femmes dans le jeu que Larry doit essayer de cruiser. Puis qu'au fond, il faut que tu leur amènes des items spécifiques, mais pour avoir accès à d'autres items, il faut que tu résoudes certains puzzles. Donc, t'es vraiment dans un environnement fermé où est-ce que tu te promènes, tu regardes les choses, puis tout ça. Puis, mais tu sais, ce qui est le fun dans Larry, c'est vraiment le côté humoristique. C'est un peu coquin, mais tu joues pas ça parce que, tu sais, comme si tu jouerais à Dead of Our Life, parce que tu veux voir des boules qui rebondissent. Tu joues à ça pour vraiment l'humour de Sierra de l'époque, qui est vraiment très drôle, puis qui était un peu méta des fois, où est-ce que les personnages font des blagues, qui font référence à un autre jeu de Sierra ou des choses comme ça. Puis Larry, il peut mourir aussi différentes façons. Des fois, quand tu fais certaines j'avais actions. Dans le 1, si tu te protégeais pas pendant que tu avais une relation sexuelle, tu mourrais, tu sais. J'ai pas joué au 6, en fait, mais là, tu me donnes le goût. C'est un peu le classique de Sierra où est-ce que t'es fait, des fois, tu es comme, hey, je vais peser sur le bouton, puis là, ça dit... Mais là, c'est en te pesant sur le bouton, telle affaire arrive, puis tu meurs. Puis c'est tout le temps comme une petite animation drôle. Puis c'est quasiment un des plaisirs dans le jeu de découvrir les façons de mourir. C'est quasiment un peu quasiment comme des Easter eggs que tu trouves. Puis ce qui est drôle à propos de la série Larry Laffer, ça c'est le 6, mais en réalité c'est le 5e de la série. Parce que Larry Laffer 4 n'existe pas. Yep. C'est un peu une joke, c'est Larry Laffer 4 de Missing Floppies. Okay. Parce que en réalité, le 4, à l'époque, Sierra, il essaie de développer un jeu en ligne par connexion modem. Là, c'était vraiment comme un peu en avance sur leur temps. Puis ils ont développé ça pendant un bout de temps, puis ça marchait pas. Mm-hmm. Puis ils ont comme abandonné le développement. Puis après ça, ils ont commencé à faire un autre du jeu plus classique de Larry. Ils ont dit ça va être le 5. Ça fait que, le 4 n'existe pas. Puis il y a plusieurs versions du jeu, dépendant de si tu as la version disquette ou si tu as la version CD. Donc la version disquette, c'est juste du texte. Dans la version CD, il y a du voice-over. Puis je pense que les graphiques aussi étaient améliorés. Ce qui était quand même souvent... Ça arrivait souvent à l'époque. Tu as des jeux qui... il y a un an, il sort en version disquette où il n'y a pas de... Il n'y a pas de voice-over, puis dans un an après, tu as comme un remake avec du voice-over puis des meilleurs graphiques. Il y avait beaucoup de jeux de Sierra et d'autres jeux d'aventure, qui même les jeux de LucasArts, il y en avait beaucoup aussi, comme Day of the Tentacle. Moi, Là, il y a le remaster qui est sorti, mais récemment, j'avais joué à l'original, puis j'ai joué à une version qui n'avait pas de... Il n'y a pas de voice-over. Ça fait que là, je suis quand même curieux de jouer au Remastered parce que là, il y avait la voice-over dans la deuxième version de l'époque, mais j'avais pas joué. Tandis que là, Remastered, j'imagine que il y a le voice-over par défaut. Là. Donc, c'est ça. Si vous aimez les jeux coquins, la série, il y a eu des remakes, en fait, des premiers. Parce que les premiers, je pense que les deux premiers étaient quand même assez tough parce qu'il n'y avait pas encore l'interface de genre. Tu peux choisir look, touch, tout ça. Faut que tu tapes. Tu tapais tes commandes, puis t'essayais. C'était essai et erreur. Puis là, nous autres, on était fascinés de voir. Tu pouvais aller à la salle de bain, puis lire ton journal assis à la bolle. Puis ça, cette commande-là, je le dirais pas ici, là, mais ça commence par SH. Ah ouais, oh. Tu pouvais clairement dire ça. Là. Là, ton personnage faisait, là, quand on était jeune. c'est un jeu de text-based vulgaire, dans le exact, fond. Exact, mais. Mais tu pouvais juste, des fois, tu voulais ramasser un item à terre, puis tu fais gosser. C'était comme pick-up. I don't know what you're talking about. Ouais. Pick up the thing on the ground. Ouais. Tu gossais, là, puis finalement, tu trouvais la bonne phrase qu'il ramassait à Gugus à terre. Super frustrant. Mais il y a eu des remakes de versions plus accessibles des premiers jeux. Puis il y a eu d'autres. Tu sais, je pense que les jeux d'aventure classiques, ça s'est arrêté au 7e. Après ça, il y a eu d'autres Larry, mais je pense que c'était plus Sierra, mais c'était plus vraiment des jeux d'aventure. Ouais. Ouais, c'était plus autant intéressant. J'ai pas joué au moderne non plus. Là, c'est une franchise qui s'est un peu essoufflée, là, je dirais. Là, fait que... Puis même certains remakes qui sont sortis récemment sur Android ou iOS, tu lis les commentaires, puis ça a l'air qu'il y a des game breaking bugs qui n'ont pas été fixés, des choses comme ça. C'est une franchise qui a un peu été laissée à l'abandon, malheureusement. Ouais, dommage. Bon, mais sur ces paroles d'abandon, moi, je vais vous parler de... Une chance qu'on finit là-dessus. Un down, là-dessus. Bye! Finit fort. Non, je vais vous parler de Lock and Chase. Lock and Chase, c'est un jeu vraiment, vraiment, vraiment très, très, très, très simple. C'est Data East, au départ, qui a sorti ça, puis il y a Taito aussi qui l'a sorti. C'était un jeu qui est disponible sur à peu près n'importe quoi. Moi, j'ai surtout joué à la version Game Boy. Il y a une version arcade, aussi une version Atari, une version à télévision. Là-dedans, ce qu'il faut faire, c'est assez simple, c'est que t'es un petit voleur, un petit coquin, lui aussi. Puis c'est ça, le voleur va juste essayer de voler du cash dans une banque. Puis t'as des petits policiers qui te courent après. La twist là-dedans, c'est que quand les policiers te courent après, tu peux les enfermer. T'as des espèces de petites jonctions un peu partout dans le tableau. Puis ça te permet de peser sur ton bouton puis activer cette jonction-là qui va faire un mur devant le policier, ce qui va faire qu'il ne sera pas capable d'avancer puis de venir te chercher. Le but, c'est à peu près comme Pac-Man, c'est de ramasser tout l'argent qu'il y a dans le niveau. Puis tu passes à un autre niveau, simple de même. Ça devient de plus en plus compliqué, mais c'est vraiment très simple. Puis moi, sur Game Boy, j'ai joué à ce jeu-là en fou, ça n'a aucun sens. Puis là, il est sorti sur le eShop de la 3DS. Mm-hmm. Fait que pour moi, c'est comme un achat à l'aveugle. Là. Ça, c'est vraiment magnifique comme petit jeu. Puis tu peux pas te tanner de ça. Là. C'est trop le fun. Fait que c'est ça. Simple de même. Il n'y a pas une tonne de choses à dire sur ce jeu-là parce que c'est un jeu simple, mais qui en offre beaucoup. Bon, mais. Excellent, ça. Plein de bonté. Cool. Fait que c'est ça. Allez, les gars, avant de conclure le show, comme vous êtes dans les studios de Young Media de passage, là, vous voyez des signatures sur ma table? Ouais. J'ai un beau crayon bleu. Moi, tout le monde qui vient podcaster ici signe sur cette table de podcast. Donc, il y a toute la gang de la soirée de podcast. Il y a Yannick et Pierre-Luc de Trois-Bières qui ont signé. Donc, je vous invite à signer. Trouvez une place, mettez votre nom. C'est génial, de passage. Ça. Exactement. Éventuellement, je vais la vendre, cette table-là, quelque part. Là. Ouais. Sur eBay. La semaine prochaine. Pièce, là. Exact. Hey, on vous fait un rappel de notre magnifique Patreon. Merci beaucoup à nos Patreons. Et puis, on a en plus reçu d'autres Patreons cette semaine. Donc, on est très contents de vous avoir avec nous autres et vous aider grandement à la qualité du show. Merci encore. Nick me laissait des becs à la table, c'est cool. C'est donc bien le fun, ça. Je pense que je sais ce que je vais faire. N'oubliez pas de nous écouter sur RZO, de aussi découvrir d'autres matériels, parce que RZO, c'est aussi une plateforme sur laquelle on peut découvrir plein de podcasts. Oui, puis allez-y, il y a eu une mise à jour la semaine passée. Vous maintenant vous créez un compte, et si vous faites pause avant de quitter le player, ça va vous ramener dans les épisodes que vous écoutez à la même place. Puis ça va vous loguer automatiquement. Fait que c'est quelque chose de développé pour. Pour essayer de compte. Ah, ben là, on vient de bypasser Stitcher en termes de fonctionnalité. iTunes, c'était le prochain. C'était la liste, ouais. Ah, il est sur ma liste, là. J'ai plein d'affaires, là. Je manque juste de temps. C'est très long de développer ça comme du monde pour que ça bug pas, là. Damn you, iTunes! On finit par les avoir, mais ouais, vous découvrez les podcasts québécois, là. Ça va mieux qu'iTunes parce que le search d'iTunes, c'est un vrai bordel. Ah, c'est là, tout crush iTunes que tu veux découvrir. Ok, RZO, c'est sûr que c'est québécois, francophone. Fait que allez faire un tour là-dessus. Génial. Puis suivez-nous Facebook, Twitter, on est là, on est actif, on suivez les développements à vos choses. Par rapport à Arcade Montréal, là, on va donner des updates pour le podcast qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? En effet, on risque de broadcaster de là-bas devant public ou pas, ça, on n'est pas sûr. Faut qu'on évalue les possibilités. Faut trouver une formule qui va marcher. On va adapter notre show pour ça, là. Ça s'en vient. Je vais là-dessus demain. Oh, tavernouche. Puis, je veux juste rajouter, on a Tech Art Geek qui maintenant partage un épisode à chaque fois. Donc, si jamais il y a des nouveaux auditeurs français qui nous écoutent, ben bonjour. Bien oui, bonjour. Puis d'ailleurs, vous pouvez aller sur le site de Tech Art Geek qui est très intéressant. Moi, c'est un site que je regarde quand même assez souvent. Laurent fait un super bel job là-dessus. Puis c'est ça, c'est un site très varié. Puis c'est ça. Salutations à tout le monde en France. Même ceux qui nous écrivent sur YouTube qui comprennent pas ce qu'on dit. Oui. Je trouve ça drôle, ça. Ah ouais. Activez les sous-titres. On parle bien, pourtant. Non, on fait un effort quand même. On va recruter bientôt quelqu'un qui va faire la transcription. Ouais. Langage des signes l'année prochaine. Colin. Alors, Mario est mécontent dans cette situation. Bruno se gratte le nez. Ouais, c'est ça, exact. Sinon, retournevo.ca, commentez, partagez, c'est notre paye, en plus Patreon, là, mais ça nous aide quand vous partagez nos épisodes et puis toutes les critiques qui sont là-dessus. Là. C'est sûr. Ouais. Retournevo.ca. Hein. Colin. Fouiller dans le gros search, tellement satisfaisant. Là. Il est le fun, hein? C'est un beau feature, Jeff. Mais moi, je m'ennuie trop de Dom. Fait que dérange-les pas. Là. Non, je vais l'appeler. Je pense qu'il est trop occupé. Là. Minuit moins 20, je vais l'appeler. Là. Pas ça, là. live, là. Ah oh, ouais, mais non, mais on va l'attendre. On va sûrement l'entendre dans le micro. C'est long, il doit être couché. C'est super long. Je sais pas, il est couché, je sais pas. C'est sûr. Mais ses enfants, ils dorment. Raccroche, man, c'est Ouais, là, ça n'a pas de bon sens. Hey, salut, Dom! Comment ça...